Présenter un jeu. Oui, Deadlands, si je me trompe pas. Deadlands, ouais. L'île des morts, si je prononce. L'île des morts, si ouais, en français. Bien, non, en français ouais. Traduction ouais. littérale. Ouais, ouais, ouais. Alors, Deadlands, et c'est un jeu vidéo d'action et d'aventure, un survival horror, ouais. comme je disais tout à l'heure en off. Le jeu est sorti le 8 septembre 2011, donc ça fait un moment qu'il est sorti. Ouais. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis suite à ce premier. Nous avons plus Antoine. Si, il est là, il doit nous entendre, mais ouais. pas l'inverse. C'est pas grave, au pire on le rappellera il tout est sorti, à l'heure. Il est sorti aussi le 3 avril 2012 sur, il est encore là, sur encore Xbox 360, PlayStation 3 et en 2014 il est sorti sur Linux. Ouais. Voilà. D'accord. Ils ont mis du temps à les sortir sur Linux. Sur Linux, ouais. Ah. Je connais pas trop Linux donc je pourrais pas t'informer. Non, je me suis tourné vers Galen comme si c'était spécialiste. Ah non, non, je connais pas très bien je Linux. Je connais pas cette plateforme là. Mais non, non. Mais tu as l'esque, tu connais voilà. des trucs. Bah, je connais des trucs, mais je connais pas tout. En fait, je crois que c'est un programme un gros, Windows. L'histoire du jeu, enfin le synopsis du jeu, parce que sinon je vais me spoiler. Ouais, oh, vas-y, vas-y. Alors, en gros, c'est le joueur se réveille dans une chambre d'hôtel sur une île paradisiaque, Banoi, apparemment c'est une réplique d'une île. Voilà, ouais. La voix existait vraiment. Au large des côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour le coup, Papouasie-Nouvelle-Guinée, je connais voilà. ça. Victime d'un terrible virus transformant tous les humains en zombies, l'objectif est de rester en vie en massacrant les zombies de l'île. Et à l'aide de différentes armes et accessoires trouvés sur l'île, le groupe de héros devra également aider les autres survivants étant composés des seuls immunisés au virus. Voilà. D'accord. En gros, c'est un jeu qui est vraiment fun. Ça peut faire flipper de à certains moments. Destruction de zombies. Parce que bah, tu peux voir des screamers qui t'apparaissent. Genre, tu vas marcher dans un couloir, t'as un truc qui va se jeter sur toi. Et... C'est pas vraiment une île déserte, c'est une île avec des bâtiments. Oui, voilà, il y a okay. des bâtiments, il oui. y a un hôtel. En fait, au départ, tu travailles. Tu fais la fête en fait. C'est, en fait, le début du jeu, je peux le raconter parce que ouais, je spoil pas vraiment. Mais en fait, tu fais la fête et tout. Le personnage se brûle la gueule dans le jeu. Il y a un film comme ça où il y a une grosse fête qui se passe et il y a ouais. des morts et tout. Je sais plus. Et là, en gros, tu vois, dans la cinématique, à un moment, tu vois, il se fait bousculer par une nana qui pète un plomb et elle est en train de bouffer un mec derrière. Donc, c'est le début de. Tout à fait normal. Du coup, le mec il dit: bon, ouais, c'est normal, j'étais complètement bourré, j'ai eu des hallucinations. Il est allé se coucher, puis le lendemain matin, Armageddon. Il est le seul vivant. Hein. Voilà. C'est un jeu vraiment. J'ai pensé à toi, Dali, parce que je sais que t'aimes bien les jeux. J'aime bien tuer des gens. Ouais, je sais que t'aimes bien ce délire-là et genre les jeux d'aventure un peu comme ça. Et surtout, le truc que t'as un petit côté un peu sadique aussi. Non, pas du tout. Ça se voit pas. Je sais que. Enfin, on peut faire beaucoup de craft dans ce jeu, genre fabriquer des armes et tout. Ouais, c'est et sympa, ça, c'est marrant. Ça. Et le plus marrant, c'est de jouer entre potes parce que tu peux aussi jouer jusqu'à 5. En coop ou en plutôt en réseau, pardon. Ah, tu peux jouer en coop aussi, mais tu peux jouer en team. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est sympa. Ouais, ça, c'est cool. Et ouais, les gens ce multi, jeu, j'y ai passé, pour vous dire, je sais pourquoi, j'ai 230 heures de jeu dessus. Tellement j'ai accroché. C'est pas mal. Tu préfères le mode histoire ou le mode multijoueur? Le mode histoire est un peu plus fun, mais ouais. Tu peux passer de bonnes heures en mode multijoueur. Tu tournes pas en fait, il y a toujours des trucs à faire. En fait, le jeu, j'ai jamais réussi à le finir à 100% parce qu'il y a tellement de quêtes secondaires à faire. Je reviens un peu, c'est un peu comme Skyrim, le jeu, tu le termines pas totalement à 100% quand tu le commences parce que tu sais, t'as des quêtes secondaires derrière. Je dis rien alors, mais. Ouais, je sais pas, je te dis ça parce que peut-être que tu connais un petit peu. Ah bah Skyrim, oui, mais je l'ai plus que fini. Ah, tu l'as plus que fini. Ah bah je l'ai ruiné. Ah ok, bon. Bah tu vois, t'avais imprégné de Skyrim. C'est un jeu vraiment qui est. Enfin, moi, je me suis pas ennuyé quand j'ai eu. J'ai hésité à l'acheter, genre je me suis beaucoup renseigné, j'ai regardé des mecs jouer sur Twitch, j'ai regardé des vidéos, puis le prix était plutôt abordable, hein, c'était comme il venait de sortir, je l'ai acheté quoi 50€ le jeu. Donc c'est le prix d'un jeu neuf qui sort. Ça coûte cher maintenant les jeux de nos jours. Maintenant c'est 70 voire 80 à sortir. Et c'est vraiment fun. Par contre ce que je disais, le mode ligne c'est bien, tu peux y jouer en solo en mode ligne, mais en fait il y a des joueurs qui peuvent rejoindre ta partie à tout moment. En fait. D'accord. Genre si tu désactives pas cette option. Moi au début j'y connaissais rien dans le jeu, j'avais des Russes qui apparaissaient dans ma partie, je fais mais ah tu es les Russes, je fais qu'est-ce qu'ils foutent là, ils viennent me parler en russe, je fais mais laissez-moi tranquille quoi. ouais, c'est juste le petit bémol, les gens peuvent intervenir à tout moment et te faire chier, genre te piquer tes XP, tes armes et tout, ils se barrent, ça y est. Ah les bâtards, voilà. Ouais bah ils sont russes. Oui. Ouais mais voilà. On clash les Russes un peu. Fais gaffe, ils vont vous envoyer je sais pas quoi. Poutine. Tu vas avoir des mauvais retours. Ouais. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, le jeu. On aime bien nos amis russes, on leur fait des bisous. Mmh. Vodka, j'aime la vodka. vodka. Envoyez-nous de la vodka. Oh oui, totalement. Oui, si vous voulez. Ah, mais c'est un jeu vraiment fun. Un truc, si vous voulez passer du bon temps, genre. Par contre, ouais, faut pas être trop cardiaque. Juste un conseil. Oh, parce qu'il y a des moments on meurt tous un jour. Un survival horror. Ouais. Bah, il y a des moments qui font sursauter et tout. Et c'est vraiment très immersif. Genre, je trouve que il y a un côté angoissant parce que tu sais, tu te balades un peu sur une île. Du coup, t'es dans la jungle un peu, tu vois. Genre, t'as un zombie qui sort d'une fougère de nulle part, toi tu te balades sur ton sentier. Ah, une fougère! Ah non, c'est juste. Ouais, voilà, c'est ça, tu te balades dans ton sentier et tout, et tu te dis, mais il sort d'où lui? Et ton personnage, on te le donne d'office ou alors non, tu peux choisir? Tu peux choisir, ouais. Par contre, j'ai pas précisé, tu peux choisir un homme, une femme et t'as un militaire. Black aussi. Tu peux choisir ses atouts ou pas avant de commencer? Non, c'est pas trop. Il a pas trop d'atouts lui-même, on va dire, ouais, tu peux pas améliorer ton personnage. Non, c'est pas trop. Il y a que les armes en fait. C'est que les armes, ouais, c'est pas trop décrit les armes. Ouais, c'est au niveau des armes, je pense que d'accord. Ça se joue. C'est plus les armes où ils ont bossé dessus. Genre t'en as de plus en plus des améliorés. Et après, au fil de l'histoire, ton personnage il évolue, c'est ça enfin, Non, il évolue pas forcément, mais tes armes évoluent pour le coup. D'accord. Mais après, ce que j'ai pas dit, c'est que bon, tu peux améliorer certaines capacités de ton personnage, tu peux pas voilà, c'est ça que. Oui, pardon. Genre, tu peux améliorer la force, tu peux améliorer la rapidité, tu peux améliorer. Qu'est-ce que tu peux améliorer d'autre ? Courir plus vite, c'est très utile. Courir plus vite, ouais. Comme dirait dans Zombieland, avoir le cardio, c'est un plus important. C'est mieux. Voilà. Et attacher sa ceinture de sécurité. Ouais. Zombieland 2, là, qui est sorti récemment aussi. Ouais, il sort à la fin du mois. En France ? Oui. Ah, sort le 30 ou le 31. Ouais, on va pouvoir aller voir ça. Ça va être génial. On en parlera peut-être. Ouais, bien sûr. Je pense. À la fin. Franchement, moi, c'est un jeu que je vous conseille. Je ne saurais pas vous dire à quel prix il est en ce moment parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Oui, effectivement. C'est, il est sorti en 2011, donc ça date. Donc, est-ce même que... de faire le calcul, je vous dirai pas. Tu serais au courant s'il y a un 2 ou pas? Ouais, il y a un 2. Ouais, il y a un deuxième. Qui est prévu ou qui non, est... il est sorti déjà. Il y a un deuxième jeu. J'ai plus le titre exact parce qu'il a été remasterisé le jeu. Ouais. Ouais, il y a un deuxième qui est sorti. Je l'ai pas testé. Est-ce qu'il serait sur One ou PS4? Sur toutes les plateformes que j'ai citées tout à l'heure, il est sur Steam, toujours 360 One, Xbox, et il est même sur Xbox One aussi, pour le coup. Dead Island ou ouais, Dead Island, tu peux le trouver sur le 1, il est sur Le 1, je sais pas, mais le 2 tu peux le 2, il est sur... ouais. Parce que du coup, moi j'ai les consoles, mais la 360 elle est chez mes parents. Mm-hmm. J'ai la One et ma PS4 chez moi, mais Non mais tu peux ça fait un peu riche. C'est bon, je me la pète. Non mais c'est voilà, je joue un peu plus, je me suis pas assez renseigné, mais ouais, le 1, je crois que tu peux le trouver que sur Steam et d'accord. Windows. Ouais. Non mais si un 2, le 2 c'est je vais pas dire c'est le même concept, mais grosso modo c'est t'as des infos sur le 2? Bah c'est okay, exactement le même concept, sauf que c'est un autre personnage, une autre île, l'histoire n'est pas de... la même, je pense, et que les personnages aussi changent effectivement. Mais après je peux pas dire plus d'infos parce que tu me poses un peu une colle, j'ai pas trop checké sur j'aime casser les gens sur le la deuxième partie, donc non mais c'est pas très grave, mais comme ça, et peut-être qu'un jour on le présentera, va ouais, savoir peut-être ouais. Mais c'est des jeux qu'on vachement cartonné à leur sortie. C'est cool, tu m'as donné envie d'y jouer là. Ouais, tu vois, c'est marrant. T'as réussi quelque chose dans ta vie. Non, en parlant de jeux auxquels tu m'as donné envie d'y jouer, tu m'as ramené Subnautica. Oui, oui, je t'ai ramené Subnautica, oui, c'est vrai. Je t'avoue qu'il est un peu invraisemblable. Ah, t'as testé du coup ? J'y ai joué, ouais. J'en suis vraiment au tout début, le vaisseau se crash et tout, je suis dans l'océan et j'ai voulu aller voir près du vaisseau. Je me suis rapproché du vaisseau. Ouais. Il m'a dit attention, vous rentrez dans une zone de radiation. J'ai fait bon, bah je vais pas aller par là. Alors, pour vous rappeler, en fait, la semaine dernière, d'ailleurs, le podcast de Peck Avenger est disponible, vous pouvez très bien l'écouter de la première de la semaine dernière. On a parlé d'un. Enfin, j'ai parlé d'un jeu Subnautica. C'est sur Xbox One, mais il est disponible sur toutes les consoles, pour faire un petit rappel. Et c'est un jeu de survie sur une planète océanique où t'as un gros vaisseau qui se crache, paf, toi t'atterris sur une capsule de survie, voilà. Et du coup, je l'ai prêté à Jalan parce que Jalan avait envie. C'est vraiment sympa, je pensais que ça allait être un peu graphiquement, que ça allait être un peu pourri et tout. Enfin, mais en fait, je pense que ça envoie du lourd au niveau graphique. C'est, graphiquement parlant, c'est magnifique. Les détails sont super, quand la capsule se crache et tout, c'est vraiment impressionnant. C'est clair. Et c'est des conseils au moins de 7 ans. Oui, voilà. Si vous avez moins de 7 ans. Oh, mais ça va, 7 ans encore, ça va pour. Mais en tout cas c'est fun, ça a l'air fun quand même. C'est fun, puis ça montre bien la beauté la beauté et la dangerosité des fonds marins. Des fonds marins. Voilà. Okay. Bah voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour sur Dale Island. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas sur ce jeu? Des questions à me poser par exemple? Non. Alors, mais j'y, des questions longues, mais j'y jouerais bien moi. Ouais, c'est pas ce genre de jeu. Entre potes et tout, on se tapait des délires. Alors celui qui va survivre le plus longtemps. Parce qu'à un moment, tu vas dans une piscine, t'as plein de zombies qui t'attaquent et tout. La mauvaise idée! La piscine! Genre on faisait des paris, alors lui il va tenir 10 minutes. Ah bah là il a tenu ça, c'est bon. Mais ouais, pour passer des soirées de chill et tout, c'est vraiment sympa. Non, c'est vrai, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Bah voilà. D'accord. T'as un petit mot à nous dire, Antoine? Ouais, je sais pas si toujours en ligne. Bah moi, j'ai Dead Island, j'ai déjà sur Xbox 360. Ouais. T'as quoi? J'ai déjà Dead Island. Tu as déjà joué? Ah oui, Et pour le coup, t'as tu l'aimes bien? T'as bien aimé ou pas? Hein? T'as bien aimé pour le coup ou pas? Ah, je vous entends mal. Ah. Est-ce que tu as bien aimé? Non, je suis pas fan de ce jeu-là. Ah ouais? Oh. C'est quoi Il est bien, mais après, peut-être en multijoueur, c'est peut-être plus cool, mais solo, j'aime pas. Mais c'est bizarre, parce que tout à l'heure, tu vas nous parler d'un jeu. Dans ce jeu-là, il y a des modes zombies, généralement. Ouais, mais là, c'est différent. Ouais. Dans le micro, Jolas? Ouais, pardon. c'est un peu différent. Alors, je vais utiliser ce que tu as parlé. Là, après Lindsey Sterling que vous avez entendu tout à l'heure, enfin le début, ouais, le début on va vous passer bon. Toute la musique. Ouais. Antoine nous présentera un jeu, c'est Call of Duty version mobile. Il est sorti assez récemment, si je ne me trompe pas. Antoine me confirme peut-être? J'ai pas la date. Hein? Ouais, attends. J'ai pas la date quand est-ce qu'il Oui, la date, c'est pas très grave, mais il est sorti il y a pas longtemps, on est d'accord. Ouais, il est sorti, je crois, il y a peut-être. Peut-être 2 ou 3 mois, je crois, même pas. Oui, ouais, bon, voilà, c'est assez récent. Et du coup, généralement, dans les Call of, il y a souvent un mode zombie. Ouais. Attends, excuse-moi. Théo? Ah, peut-être, mais je l'ai pas encore fait à fond encore. Après, c'est celui sur téléphone, donc il est peut-être moins complet que les autres Call of, mais si t'aimes les Call of, en théorie, t'as le mode zombie. Ouais, normalement, ouais. Mais je sais qu'il y en a quand t'as un bot royal. Là, quoi, j'apprends. T'es pas fan des modes zombies, généralement? Hein? T'es pas fan des modes zombies, généralement? Ah, si, sur. Si, si. Ah. Que sur Call of Duty, déplacement de. Non, merci. Non, d'accord. Bah, après, c'est vraiment à mon appart, des éditions que Call of Duty. Oui, bah, je dis pas que c'est la même chose. Ouais, non, mais ça rejoint pas du tout le même principe. C'est du massacre de zombies. Des éditions de. Tu te fais plaisir, genre, tu peux explorer la map. Ouais. Call of Duty, c'est tu dois survivre à des manches. Et ouais, ça peut être monotone, ça peut être un peu lassant au bout d'un moment. D'accord. Et ben, du coup, Antoine, tu nous présentes Call of Duty version mobile après Lindsey Sterling? Ouais. Est-ce que d'accord. Je pourrais demander à Théo d'accord. De venir, s'il vous plaît? Vas-y, lance-moi Lindsey Sterling. Ouais. Tu as juste appuyé sur okay. Lecture, je pense. Attends. Ça va pas nous la mettre au début. Ah ouais, mais non, comme mais vous avez déjà en entendu le début, vous verrez la suite. On va écouter le reste. Hein. 21h, 23h, les Peak Avengers sont sur Indestar. Et là, à partir de maintenant, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Exactement, parce qu'il y a les Peak Avengers. Peak Avengers, ils sont vraiment très beaux. Non, je vais pas vous refaire tout le générique, on va s'arrêter là. Je me ridiculise plus qu'autre chose. Oh bah merci, bon c'est bon. Ok, je m'arrête. Antoine, es-tu avec nous? Oui. Est-ce que la force est en toi? La force est avec toi. Ça coûte par moment, ouais, bah c'est normal. Ça arrive, ça fait 5 ans, c'est 9. Alors, tu vas nous présenter Call of Duty Mobile? Bah vas-y. D'accord. Donc déjà pour commencer, j'étais très mitigé pour le jeu. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que je me suis dit, voilà, Call of Duty Mobile, franchement, ça a l'air pas terrible et tout. Ouais, c'est vrai. Et bah depuis, je suis devenu accro. Ah ouais, à ce point-là? Comme la cocaïne. La cocaïne, c'est mal. Ouais, franchement, il est bien comme jeu. Et c'est que du PVP. Donc player contre player. D'accord. C'est un Battle Royale, quoi. Et tu as téléchargé quand? Donc, je crois qu'il n'y a même pas un mois. Ah, bah t'as quand même un mois d'expérience, du coup. Comment? T'as quand même un mois d'expérience. Oh, ouais, je suis rendu déjà level 17. Ah oui. Oh. C'est ça que j'ai commencé il y a deux, trois mois. Ah, toi aussi, Julien. Les niveaux se montent assez vite. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer le concept du jeu? À part nous dire que c'est un PVP. Bah après, c'est un peu multijoueur comme tous les Call of Duty mobiles. Oui, mais pour ceux qui connaissent pas Call of Duty. Attention, nous avons peut-être des gens qui connaissent pas Call of Duty. Ah, moi je connais pas. Ah oui, d'accord. Explique-toi, Gaiden. Bah gros, c'est des matchs à mort par équipe. Donc il y a deux équipes qui s'affrontent sur un terrain pendant pendant 5 minutes, après, voire 10 minutes. Oui. C'est des équipes qu'on atteigne 50 kills ou 40 kills. Ça dépend des parties. Oui. Est-ce que y a... le but du jeu, c'est d'arriver à la première équipe jusqu'au score ou soit celle qui tient le plus longtemps. Et t'as tous ces modes-là dans le Call of Duty mobile? Oui, oui. Oh, ah, ils ont fait fort. Ils ont fait un Battle Royale. Ils ont mis un Battle Royale. Ouais. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du Battle Royale? Donc, c'est... on est des qu'un. Équipes où on est soit solo, soit en duo. Ouais. Une équipe de 4. On est lâché sur une carte. Vous êtes combien sur la carte en tout? Comment? Vous êtes combien à peu près sur la carte? Une cinquantaine? Ouais, à peu près. Bah, après, je sais pas trop ce que j'ai le Battle Royale qui déconne un peu son téléphone. Ah, je sais pas, ça fait lourd quand même. Les Battle Royale, je crois que c'est 100 joueurs. Ouais. 100 joueurs? Ah bah voilà. Ouais. Vous êtes 100 et le but c'est qu'il n'en reste plus qu'un, comme l'a il dit Gaëlan. Il ne peut en rester qu'un. Et dis-toi que Highlander. J'imagine que sur le jeu. En duo ou en solo. Ouais, tu disais, Jolan? J'imagine que sur le jeu il y a genre des modes genre duo, trio, en 5, je sais pas trop comment. Est-ce que t'as entendu, Antoine? Comment? Jolan, il a dit. Ah ouais, parce que je suis loin du téléphone. Oui, c'est normal, tu n'entends pas. Personne n'entend Jolan. Tu vas faire le coursier qui va répéter le message. Non, il disait. Oui, mais c'est normal, t'es juste à côté de moi, tu parles dans mon micro en fait. Voilà, physiquement. C'est très bizarre à imaginer. Je suis à tes côtés, c'est pour ça. Oh, c'est mignon. Jolan, il disait en gros, tu peux sans doute y jouer à 2, à 3 sur ton téléphone. Voilà, jusqu'à 5 joueurs. En match par équipe, c'est jusqu'à 5 joueurs. Après, d'accord. En Battle Royale, c'est 4 joueurs. 4 joueurs. Oh, ah, ok, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, effectivement. D'accord. T'es niveau 17. Est-ce qu'il y a toujours les chiens de chasse? Les chiens de chasse. Tu sais, dans les Call of Duty, moi j'ai joué à Call of Duty, ouais. T'avais des... si tu faisais une série de kills... tu obtenais des objets. Chiens, oui, d'accord, et ouais, tu sais, tu pouvais lâcher une horde de chiens de chasse sur toute la map. Oui, et ça je crois que c'était au bout de genre 10 ou 20 kills, je crois. Bah, c'était 13, je crois. 13 kills. Tu débloques les objets par rapport au niveau. Plus tu montes de niveau, plus tu as débloqué les objets. D'accord. Et des armes aussi. Mais du coup, t'as bien les chiens de chasse? J'insiste avec les chiens. J'adorais ce truc, c'était génial. Sur mobile, c'est un peu plus compliqué, genre de les faire. Ouais, c'est vrai. C'est comme commander un bombardement. Ouais. Genre sur Call of Duty, tu pouvais commander une bombe nucléaire et tout. Ah, il y a les hélicoptères d'attaque, c'est déjà ça. Il y a peut-être les drones aussi à la rigueur. Oui, il y a les drones, il y a aussi. J'ai quoi d'autre comme truc qui. T'as quoi débloqué toi? Moi, ce que j'ai débloqué déjà, c'est le drone. Le? Attends, je pense que j'ai bloqué déjà. Moi j'ai une question. Vas-y, Galen a une question pour toi. Est-ce que. Ah oui, j'ai un drone qui explose. T'as un drone qui explose? Ah, un drone suicidaire. Un drone. Il doit être Madichina. Comme mon téléphone, il est donné dans sur, sur la version mobile, est-ce que tu restes. Attends, il y a Galen qui a une. Mais non, mais c'est parce qu'il m'entend pas. Oui, tu l'entends pas, mais Galen a une question pour toi. Oui. Vas-y, il va te la poser. Ok, vas-y, je lui demande. Est-ce que sur la version mobile, tu restes en mode FPS ou est-ce que tu vois ton personnage? Tu peux faire les deux. Soit tu peux jouer... soit t'as la vision normale. Enfin, tu sais, la vision première personne. Ouais, en FPS. Ou soit t'as la vision troisième personne. Donc tu vois ton personnage qui bouge. Ok. Alors toi, ton personnage. Voilà, parce que je sais que sur les jeux vidéo sur la PS, c'est vraiment FPS. Ouais, généralement. Pour ceux qui connaissent pas, la vision FPS, c'est en gros quand t'es le personnage, tu vois avec ses yeux voilà. Et tu vois juste un bout de l'arme dans ton écran. En première personne, tu vois. Ouais, c'est ça. En première personne. Bah, c'est ça, c'est first person shooter. Et ce qui est bien sur ce Call of, c'est qu'en fait, si tu veux, t'as deux modes de tir différents. Soit tu vises et t'appuies sur un bouton, ça va tirer. Ouais. Ou toi, tu vis automatiquement, ça tire automatiquement. Et ça, pour faire des kills, c'est idéal. Bah ouais, mais du coup, c'est un peu trop assisté, ça, quand même. Bah, genre, tu vis, ça tire tout seul. C'est un peu comme le même principe, genre le... Oui, c'est un débat qui est compliqué. Après, c'est pas des armes que t'as. C'est un débat qui est compliqué, ça, tu vois, l'assistance au tir automatique. Jolan disait c'est un débat compliqué, vas-y Jolan. En fait, connais-tu le jeu, enfin généralement tous les Battle Royale genre Fortnite, Call of Duty, les jeux de tir, ou du moment que tu peux jouer en clavier souris, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que si tu vas te retrouver face à un joueur manette, il va avoir l'assisté, toi tu vas être en clavier souris, ça va être beaucoup plus compliqué de réagir face au joueur manette parce qu'il va avoir la visée automatique. Du coup, je trouve ça dommage de sur mobile de laisser ça, tu vois. Ouais. Je sais pas. Alors, t'as une grande différence, je trouve, entre ça et la version jeu vidéo. Le toucher, est-ce qu'il a une préférence, Antoine? Antoine, est-ce que Galen pose comme question, est-ce que t'as une préférence entre assisté et enfin ou le non assisté du coup? Non, sur la plateforme sur laquelle il préfère jouer. J'ai mal compris sa question. Pardon, c'est moi qui me suis mal exprimé. C'est pas grave. Sur quelle plateforme tu préfères y jouer? Est-ce que tu préfères y jouer sur console, sur PC ou sur mobile du coup? Bon, franchement, les trois ça me va. Les trois ça te va? Call of, moi ça me va. Ah, on a un fanatique. Parce que t'as une sacrée différence et... Bah ouais, totalement. Moi ouais. Je sais que j'aurais du mal sur PC parce que ça me ferait bizarre d'appuyer sur une touche en fait pour diriger un fusil. Mais tu vois que, en fait, tu vois, je suis passé joueur PC il y a peut-être un an et demi. Ouais. Et de repasser sur console, c'est une galère. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais, c'est ah bah, ça m'étonne pas. Tu prends des mécaniques différentes en fait quand tu joues sur PC et sur clavier souris que t'as pas sur manette. D'accord. Je sais pas si t'as entendu Antoine, Jolan, il a joué sur console et après quand il jouait sur PC, bah ça lui a, bah, il a eu du mal, ça l'a changé quoi, ça l'a bouleversé dans sa vie. Il n'est plus le même. Je jouais sur mobile, c'était pas. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est... Tu cherches à toucher le T. C'est ça. Tu m'es allé où? En fait, non, c'est juste avec mes doigts que je dois diriger deux trois. Non mais je comprends que ça doit être un peu différent. Mais après, ça doit avoir ses fans, hein, comme tu l'as dit très clairement. Les fans de Call of s'y retrouveront forcément. Oui, enfin, je pense. Est-ce que tu le conseillerais d'ailleurs aux fans de Call of? Oui, bon, je le conseille. Parce que moi, je dis comme si au départ, moi, j'étais mitigé. Au départ, j'ai fait comme. Mitigé comme le temps? Non, je sais pas. C'est une blague de merde. J'ai le droit aux blagues de merde. Ouais. Ça d'accord. Mérite un petit... Ouais, ça mérite un petit scotch. Mais la prochaine fois, plus rapide. Ouais. Sinon, c'est moi qui te le fais, le scotch. D'accord. Merde. Ce petit scratch qu'on emprunte d'ailleurs à l'émission J'ai vu de la lumière de Clément le mardi de 21h à 23h. Je vous invite à écouter les podcasts. C'est très sympathique. D'ailleurs, les podcasts, vous pouvez les trouver alors sur le indestar.fr de l'émission Peck Avenger ou J'ai vu de la lumière ou même Actu Solite le lundi de 21h à 23h ou Starter de 20h30 à 21h. Et il y a même. Non, c'est tout pour le moment. C'est tout, t'as dit Actu Solite, non? Hein? Ouais, j'ai dit Actu Solite. Tous les podcasts de toutes ces émissions sont disponibles sur le site d'Indestar ou alors sur le Facebook @Indestar, sur l'Insta, sur le Twitter apparemment. Ouais. J'ai pas beaucoup visité. On est aussi en live Twitch normalement. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Et de toute manière, les podcasts, il n'y a pas les images, il n'y a que le son. Voilà. Donc voilà. Mais généralement, si vous nous regardez en live, vous verrez notre tête. Ouais. Donc c'est peut-être mieux que vous les ayez pas pour le coup. Ouais. Et. Vous pouvez, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, les podcasts, vous pouvez les trouver sur une vingtaine de plateformes de podcasts. Donc en théorie, vous pouvez nous trouver, c'est très facile. Hein. Tapez podcast Indestar, vous trouverez. Voilà. C'est bon, toi, tu avais fini sur Call of ou t'avais un petit mot à rajouter? Moi, j'ai fini sur Call of. Il a fini. Bon, bah on peut te jeter contre le mur. Voilà. Ok, je te jette, Antoine. Salut. Tu as un petit mot pour nos auditeurs? Oui, je vous dis à lundi. À lundi, oui, tu seras présent dans Starter, c'est ça? Tu reviens pour Starter? Ah, enfin le retour. Non, en fait, ils étaient contents que tu sois pas là. Non, je plaisante. Non, ok. Du coup, on retrouvera Antoine dans Starter lundi. Ouais, et il reviendra bien sûr, normalement. Dans PK Manager, oui, jeudi prochain. N'est-ce pas, tu reviendras, hein? Ah oui, mais sans je reviens, c'est sinon, c'est moi qui vais jouer à FPS avec tes fesses. Ouais. Oui, non, pas de titre. J'hésitais à le dire. Hein. C'est le nouveau titre de sextape. Je sais que tu m'aimes, Teddy, mais ça doit rester en genre de tout ça, c'est pas trop courant. Non, tu sais ce que j'aime? Les fraises? Non, Avril Lavigne. Ah. Je pense que tout le monde la connaît. C'était une chanteuse, je crois qu'elle est morte. Ah bon? Je crois. Si, si, je c'est crois. Ça comme ça. Mais. Oui, c'est vrai. Mais elle chantait des chansons tristes, hein, de toute façon. Ouais. Mais j'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai. J'aimais beaucoup son style. Et là, on va la retrouver dans un match-up avec Panic at the Disco. le titre, alors attention, It's a Little Complicated. Complicated, c'est le titre de David Lavigne. Complicated. Ah oui, Complicate. Complicated, allez, ouais. Quand il y a ED à la fin, on dit ID. J'invente le, l'anglais. Donc voilà, c'est un match-up d'Avril Lavigne et Panic at the Disco. Bah, ah. C'était la musique. Alors, dis donc, on va vous teaser toutes les musiques ouais, ce soir en avance. Ça, en fait, Alors, celle-là, je vous dirai pas qui c'est. Je vous dirai juste le titre. Ça s'appelle If This Ship Sinks. Tiens, j'ai bien eu d'avoir un doute tout à l'heure de te demander si t'avais bien appuyé sur le. Ouais, mais je l'avais appuyé, mais t'avais dû appuyer, je pense. Ah, non, mais j'ai pas tout vu. Ah d'accord. Ah oui, j'ai... Ah ouais, c'est d'accord. Ça, j'ai eu, ah chais. Ouais voilà, gros d'accord. Chais. Ouais, genre, mais... ça mérite un... pour le coup, non, y a... attends, il y a un autre truc pour ça. Ah. Ah bah non, bah il est pas là mais... Ouais. Ah il est pas. Ok, bon bah j'ai fait une erreur. Bon, voilà. C'est des choses correctes. Donc. Vous m'en voulez pas, de toute façon, vous m'aimez bien. Ah oui, on t'adore. On est des... On est oh, des, cool, comment merci. On appelle ça, on est des amateurs, voilà. Non. Non, je suis un professionnel. Ouais. Ça fait 30 ans de radio. Tu vois, je suis tellement un professionnel que j'ai oublié ma feuille de l'autre côté. Ah, du bah coup, je vais vous la faire en impro. Non. Non. Tu vas aller la chercher vite. Je vais la chercher. Ouais. Ou... ouais. Ouais. Ouais. Bah... Vas-y, bon, on va meubler, on attend. Allez, meubler, vas-y. Ikea. Maintenant. Ouais. Bah, Teddy est parti chercher sa feuille en boitant. Cours, Forest. Cours. Il va nous parler de quoi déjà? Il nous parle d'un film, il me semble. D'un film. Ouais, mais non, non, non, non, non. D'un jeu. Un manga. Manga ? Non, non, non. Non. De popcorn. Comment, voilà. Comment on fait le popcorn, Teddy ? Avec une machine à popcorn. Oh ! Ou alors avec un truc qui s'appelle une copie. Non, je plaisante. Alors, tu prends des grains de maïs, tu les fais cuire, okay. Tu mets du caramel, du sucre, et puis voilà, je crois. Ouais. Je suis pas spécialiste du popcorn. Je... Ah, c'est dommage. Je dois avouer que. Non, on aurait pu parler. Vous avez parlé de popcorn pendant mon absence ? Oui. De popcorn. Parce que, alors, j'ai peut-être été un peu long parce que j'ai couru. Mais en boitant. Donc ouais. Je sais pas si vous avez pu imaginer c'est la scène. C'est drôle, heureusement qu'on n'est pas en live Twitch. C'est dommage. On aurait eu des viewers là. Oula. Ouais, on aurait vu la bouche pleine. Oui. La moitié de ma sextape. Ouais, mais ça, on les aurait tous vus. On le fait tous dans Actu Solite le lundi, je peux te dire que ça envoie. On arrive, on est. Excellent. Bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Horizon Zero Dawn. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi non, personnellement non. À vrai dire. Pareil, je ne connais pas. C'est une exclu. Tu vas nous présenter ? Bah oui, effectivement. Hein ? Mais ça m'étonne. C'est pour ça ? Ça m'étonne à moitié. Parce que, alors, autant quand ils l'ont lancé, ouais, ça a fait parler de lui quand même au niveau des jeux. Après, c'est qu'une exclu PS4. Okay, donc. C'est sorti quand ? Il y a pas longtemps. Il y a deux ans, je dirais. Ouais, à peu près. Ans. Ah, t'avais pas la date. Ouais, ça va, c'est vrai. J'avais pas la date. Allez, première colle et bim ! Ok. Alors, je sais juste que c'est une SQ PS4. Oh, c'est pas grave. Hein. Une SQ PS4. Quand je l'ai acheté, il y avait une extension qui était comprise dans le jeu qui s'appelait Frozen Wild. Donc, voilà. Ce jeu, il a été créé par Guerrilla Game. Ah ouais. Alors, bien sûr, ça parle pas forcément. Non, mais si ouais. Tu le sais. Je vais vous citer plutôt un jeu qu'ils ont fait, Killzone. Ça parle peut-être. Je connais, ouais. Non. Je non. Non, mais tu sais, je suis pas très branché jeux vidéo. Oui. Donc tu m'apprends vraiment plein de trucs à chaque fois. Killzone, c'est un nom dans le jeu vidéo. Je crois que c'est aussi exclu PS4 parce que Guerrilla Game, ils appartiennent vraiment à Sony. Ouais. Voilà, donc, c'est dommage. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc des Killzone, il y en a eu 1, 2, 3, je sais plus combien. Après des dérivés. J'ai vu un streamer jouer au premier, puis ça m'a donné envie d'y jouer, mais quand j'ai su qu'il était sur PS4, j'ai fait fuck, je l'achète pas. Voilà. Arrêtez les exclus. C'est ça. Ouais. C'est chiant. On pourrait débattre d'ailleurs là-dessus sur PS4. Genre, oh, il y aurait des débats. Il y aurait PS1 ou PS4 ? Voilà, c'est ça. Ou PS4. Ah ouais. Hey, on peut s'en faire un titre là. Ouais. Gaël, tu serais plus quoi ? Je suis Team PS4. Team PS4 ? Ouais. Ah. Jolan ? Ah, PC, moi. Alors, PC, mais entre et toi, Xbox et PS4, on va dire. Ah, entre Xbox, si on reste sur le sujet, Xbox One, forcément. Et toi, Teddy ? Moi, je suis Xbox. Ok, je suis tout seul ce soir. Donc aujourd'hui, tu vas te faire taper. Je crois qu'Antoine est PS4 aussi. D'accord. Donc s'il nous écoute... Antoine, il est mobile, je Et il est surtout, il est PC aussi. Ouais. Après, moi, j'ai une préférence pour Xbox One, parce que bon, j'ai eu la Xbox 360 avant. Enfin, j'ai eu une PS1, mais j'ai oublié ce temps-là. J'ai été fan de la Xbox 360 et des jeux qui avaient J'ai commencé par la GameCube, la Mythique. Ah, la GameCube, oui. Après, je suis passé à la 360 pendant des années, et puis après à la One. Ouais. J'ai eu la GameCube aussi, mais j'ai oublié aussi ce passage. J'étais trop jeune. Non, mais non, je suis assez team Xbox. Ça sera un débat un jour, peut-être. Ouais. On aura long à dire là-dessus. Mais bon. ce sera pas aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ce sera Horizon Zero Dawn. Donc un jeu qui est avec un monde ouvert, type Skyrim, Fallout. Mm-hmm. Je les prends beaucoup comme référence parce que ça parle souvent beaucoup. Oui. Tu me le dis, c'est si ça parle pas. Mais... si, si, je vois. Je vois. Donc c'est un monde ouvert. Non, mais c'est bien, ça donne... Oui, ça donne une image. Ça donne une idée, en tout cas. Avec un univers, comment dire, futuriste mais primitif. J'adore ce type de jeu. D'accord. À un moment, je vous parlerai d'un autre jeu qui s'appelle Elec. Ça sera aussi pareil, ce sera primitif, mais avec de la technologie. Mm. Donc, faut trouver un concept à mettre là-dedans. Donc là, le concept, ça va être... Oui, c'est ça. Bah, t'as des pistolets laser, on va dire, ou genre de truc. Ah, oui, mais ouais. Quand t'es, tu sors d'une tribu, tribu, tu sais, avec des peaux de bêtes et tout. Tu... faut trouver la possibilité de mettre ça en... Comment dire je sais pas. En pratique. Pas de mélanger les deux, quoi. Mélanger deux univers assez différents. Mm. Et quand tu mélanges ces deux univers-là, je dois avouer que ça donne un truc vachement bien. Comme Fallout, par exemple, ouais. C'est post-apocalyptique, tu vas trouver des gens, pas avec des lances, mais voilà. J'ai jamais été fan de Fallout, j'ai regardé des... Oh. J'ai pas acheté le jeu. Tu sors. Ouais. Tu sors, ouais, bah, tu sors. Au revoir, Joël. Parce que faut savoir, Fallout, c'est le même caractère que Skyrim. Ouais, je sais, mais je savais que c'était le même monde qu'il avait, enfin, le même réalisateur, je vais y arriver. C'est presque les mêmes concepts avec des univers différents. Mais je suis pas fan, en fait, j'ai regardé des streamers assez connus y jouer. Et je m'ennuyais, enfin en tant que spectateur, je m'ennuyais. Alors en tant que joueur. J'ai presque envie de te mettre un scratch là pour. Bah, je sais pas, on a tous le droit d'avoir un avis différent, on a tous le droit de aimer ou pas aimer. J'ai pas accroché à ce. C'est vrai que j'envisagerais peut-être de changer de mec qui pousse les boutons. Non. Enfin bref, Horizon Zero Dawn. Ouais, c'est un peu le même monde un peu, non ? Non, du tout, non, du tout. C'est, ça n'a rien à voir. Ça se passe, alors, on va dire en 2160. Ouais. Tu vas commencer à jouer. Approximativement. Le jeu, il va commencer en 2160, mais tu vas avoir toute une partie d'enquête sur les années d'avant. Ouais. Ouais, d'accord. Où tu vas voir que notre futur proche à nous, qui est 2060, il va y avoir une quasi-extinction des humains. D'où le fait que les humains qui ont survécu vont revenir à des états totalement primitifs. Il va y avoir aussi des machines qui ont été créées en 2060, on va dire. Il y a des machines partout qui sont robotisées, qui obéissent à des codes et tout. Et ben là, ils sont redevenus sauvages. Donc tu pourras chasser. Alors, pas des cerfs. Ils portent tous des noms, genre galopeur, grand coup, ce genre de truc. Ah, ouais. Des noms assez simples au final, ouais. Mais grand coup, par exemple, c'est une grande girafe, mais totalement mécanique. Mais très très grande. Bah, c'est normal en même temps, dans l'optique du jeu. T'imagines, en gros, t'es survivant. Tu viens d'une tribu. Tu te rappelles pas du passé, évidemment. Tu viens de naître. Le premier réflexe, tu vois une grande machine, tu sais même pas ce que c'est une machine. Mmh. Comment tu vas appeler ça ? C'est grand. Ouais. On dirait que c'est un coup, bah un grand coup. Oui, voilà. Il y a une simplicité. Là, hein. C'est bien pensé en même temps. Je sais pas, il y a des galopeurs, c'est des créatures mécaniques. Et bah qui galope ? c'est dingue. Ouais. Voilà. Donc ils ont pas perdu le mot galopeur, c'est déjà ça. Il y a certains trucs qu'ils ont pas perdu, comme le langage et tout ça, mais ils ont perdu quand même l'instinct de société, de technologie et tout ça. Mmh. Donc ils survivent, t'es dans une tribu, tu commences, ça s'appelle le berceau de la mer, ouais. Ça s'appelle une tribu Nora. C'est un survival c'est très beau. C'est très poétique. C'est quoi comme thème, genre, c'est horreur, c'est aventure, C'est plus aventure, plus aventure. C'est vraiment, ouais, c'est de l'aventure, hein. C'est un monde ouvert, donc t'as les mêmes, comment on peut appeler ça, t'as les mêmes, je sais pas. Bah, t'as des quêtes secondaires à droite à gauche, tu te balades, tu découvres des créatures. T'as toujours une histoire principale. Voilà, c'est ça, t'as toujours une histoire principale. Voilà. D'ailleurs, tu as joué à ce jeu, toi ? Moi ? Ouais. Bah, ouais. Je l'ai saigné. Ah ouais ? Je l'ai saigné. T'as fait combien d'heures dessus ? Je l'ai vidé, le jeu. J'ai fait 80 heures. Ah oui ? Ouais, pas mal. Dessus. Et bon, j'ai même le prix, là, tu vois, c'est écrit sur ma petite feuille, 80 heures de jeu. Mais je vous le dirai à la fin. Ouais. Et t'incarnes un personnage qui s'appelle Aloy. Très sympathique comme nom aussi. Mm-hmm. T'as été adopté parce que tes parents, tu sais pas qui ils sont, t'as été trouvé en fait par la tribu des Nora, donc ils t'ont élevé, voilà. T'as été adopté par un mec, quelqu'un d'assez sage au final, qui, comment dire, il va être banni, il va être banni de la tribu des Nora avec toi quand t'es enfant. Pourquoi ils ont fait quoi ? À cause de toi en fait, à cause du personnage, à cause d'Aloy, tu vas ramener de la technologie, tu vas ramener un truc qui s'appelle un focus. Et du coup, ils vont dire « Ah non, c'est pas bien, ouais. C'est de la technologie en fait. » Et eux, ils préfèrent la bannière parce qu'ils pensent que c'est à cause de ça que les humains ont disparu. Ça m'étonnerait pas. C'est totalement faux. Ça, je vous laisse découvrir, mais bon, c'est spoiler quand même. Skynet, tout ça. Ouais, voilà. Il y a du ça quand même. Ah ouais, il y a une intelligence artificielle ou pas dans le jeu ? Ouais. Il y a, oui, ah, il y a même cool. plusieurs. C'est ça devient intéressant. Ça fait flipper, ça, je trouve. C'est, bah, ouais, ouais, c'est, ouais. Alors, c'est moi, c'est le truc qui m'angoisse, les intelligents. Ça fait pas flipper, mais j'aime bien le concept, en fait. Tu peux croiser un lapin. Il y a encore des créatures sauvages, encore, type lapin. Les lapins, ça va, mais genre, tu vas croiser un. Je sais pas, j'imagine un lion, par exemple. Oui, tu peux croiser ouais, des petites hyènes. Enfin, moi, ça ressemble plus à des hyènes mais mécaniques. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on va dire le monstre le plus courant, ça s'appelle des veilleurs. Ouais. C'est pas des hyènes, c'est des. C'est des espèces de mini raptors juste avec un. Ça a une tête d'ampoule, ça attire des petits rayons. Voilà. C'est le ça truc le plus courant. Ils ont une idée lumineuse. Non, par contre, ça clignote que dès qu'ils cherchent. Hein, ouais. Il y a quelque chose. Ah oui. Parce que voilà. Tu peux te cacher dans l'autre herbe. Il y a un système de camouflage aussi qui est sympa. C'est tu peux attaquer par surprise et tout ça. Tu peux faire des one shot. C'est assez sympa. Et. Je sais plus où j'aurais. Parler, tu disais genre. T'as été adopté, t'as été une paria. Si je t'ai bien suivi, que t'avais pas le droit de ramener d'objets. Oui, voilà, c'est ça, t'as pas le droit de ramener d'objets technologiques. Enfin, dans les débuts. Ça fait peur aux. Oui, voilà, c'est ça, ils l'ont banni en fait, entre guillemets, enfin, ils ont banni la technologie. Ça me fait un peu penser, excuse-moi, je te coupe, ça me fait penser un peu genre au peuple de gens qui vivent en Amazonie. Ils rejettent aussi ce. Oui, bah oui, il y en a qui rejettent l'avancée, on va dire, technologique. Ils ont peur de tout ça, ils veulent rester dans leur. D'avoir une part de vrai et une part de fausse, ouais. C'est comme tout, ça se discute. Donc là, tu incarnes à l'œil quand elle est petite, tu vas voir 2-3 trucs vite fait, et après tu passes directement à ses 18 ans, donc elle deviendra une très belle femme de rousse avec des super. Type viking, j'irais même, un petit peu, mais très très belle, franchement, ça change l'image des belles rousses, là, ça emboîte du lourd. Et elle aura toujours son focus. Elle aura grandi avec, du coup, et elle va l'utiliser. C'est quelque chose qui est implanté. Alors, c'est pas implanté, mais ça se pose là sur la tempe. Oui, j'ai le réflexe parce que je sais que ça se met là, c'est pour ça. Ok, ouais, je vois. C'est un petit appareil qui permet de voir les choses différemment, sous un autre angle. En gros, elle va observer une machine sauvage et ça va lui permettre de voir ses points faibles, ses points forts. Genre tu tires là. Elle a des bezels, genre les mecs, ils ont des petites lunettes. C'est ça, un peu, ouais, voilà, c'est ça. Et ça permet plus ou moins de faire la même chose sur toutes les machines. Ça permet pas mal de trucs aussi, d'interaction avec pas que les machines, mais tout objet technologique. Alors, bon, je vous en dis pas trop non plus, mais genre voilà. Ça peut te permettre, en gros, si t'es en situation de combat, genre t'as une machine qui va arriver, tu vas analyser le truc, tu vas dire, oh, lui, tu vas dire, faut que je tape là d'abord, ouais. Après, vu que j'aurai détruit ça, faut que je tape là. Alors, bien sûr, t'es avec un arc et des flèches. Ah, là, le concept est un peu bizarre. T'as pas que des arcs et des flèches, mais. C'est un avatar, en gros, quoi. Bah. Au début, t'es là avec ton arc, t'as des machines. Tu te dis, mais ça va jamais le tuer, machine. Machine. Ouais, un arc et des flèches, ça tue des machines. D'accord. Voilà. Ouais, c'est un peu mais comme. Fuck la logique. T'as des flèches en fer ou. Non, des flèches en bois. En bois. Ça arrive à tuer les machines artificielles. Mais il y a des bouts en métal, je crois, dessus. Ah oui, d'ailleurs, il y a une monnaie dans le jeu, parce que bien sûr, t'as des vendeurs et tout ça. Ouais. La monnaie, je crois que c'est des éclats de métal ou. Je sais plus. Des éclats de métaux. Je crois que ça s'appelle des éclats de métaux. Ouais, métaux. Pardon. Oh, pardon. Et voilà. Tu peux les utiliser pour tes arcs aussi. Ta monnaie, tu peux l'utiliser comme arme. C'est cool. C'est cool. Donc, bon, c'est 18 ans. Il y a un rituel dans son village pour, comment dire, pour devenir adulte, je crois, un truc du genre. Et toi, tu peux le passer, même si t'es paria. Donc, en gros, les parias, t'as pas le droit de leur parler. T'as le droit de côtoyer le village, mais t'as pas le droit de leur parler. C'est génial, hein. C'est une super ambiance, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, si elle passe ce concours et qu'elle réussit, il y a qu'une seule personne qui peut le réussir, passera plus une paria. Ah, c'est cool. C'est cool aussi. C'est cool. Donc, autant vous dire qu'elle est assez motivée, hein. Au final, elle va. Je vais pas vous le dire. Ouais, parce qu'il faut pouvoir y jouer. Suspense. Ouais, suspense. Alors, ça, c'est le début, hein, évidemment. Donc, c'est pas vraiment non plus. Je vous spoil pas. Voilà. J'avais une petite question, genre. Vas-y. Comme il y a des sports de combat et tout, c'est pas trop violent comme jeu, genre. C'est... Non, bah non, parce que généralement, c'est des machines. Il y a des combats avec des machines et tout, genre. Oui, oui, bah généralement, soit tu meurs, soit tu vis. Hein, ouais, c'est. Il y a un. 50-50. C'est quoi le Eddie, genre Eddie 18, Eddie 16. Est-ce que t'as une idée de. J'en ai aucune idée, mais je dirais que c'est 12. Hein. C'est, 12 pas... Ah ouais c'est pas si violent que ça, hein, parce que combattre des machines, au final, c'est ce qui nous arrivera dans un futur. Là, je t'éclate. Spoiler. Non, c'est pas violent comme jeu, mais. Par contre, c'est très immersif. Hein. Tu te mets bien à la place du personnage, t'as vécu en paria, t'essayes de te rattraper aux yeux des gens, alors que toi, t'as rien fait. C'est ça qui est bien dans les jeux vidéo, c'est si t'arrives un peu à t'identifier au personnage et à t'attacher à lui. Le créateur du jeu a tout gagné. Voilà, ouais, c'est ça. Je trouve, hein, c'est ça qui fait la beauté d'un jeu. C'est ça, puis l'univers aussi, quand ça te plaît bien, voilà, moi, tout ce qui est. Quand tu dis que c'est un mélange de technologie et de médiéval. Voilà. Que rêver de plus. Bah voilà, enfin, moi ça me donne envie d'y jouer. Ouais, moi aussi, tu vois. Ouais, j'ai converti deux personnes. Ouais, non, mais voilà, j'aime bien. Il est sorti en quelle année ce jeu-là? Il y a 2 ans. Il y a deux ans à peu près, je dirais. Ouais, je l'ai acheté il y a 2 ans. Ouais, je l'ai pas écrit sur ma feuille, je sais. Ouais. Si ça se trouve, c'est pas 2 ans, c'est 3. Si ça se trouve, c'est 4. Si ça se trouve, c'est 1. Mais je dirais 2 dans le. Tu vas faire ce concours, alors je ne vous dirai pas si vous avez réussi ou pas, mais bon, suite à ça, il va y avoir des incidents et ainsi de suite. Et au final, tu vas partir de ta tribu, enfin, tu vas te libérer. Donc tu vas pouvoir t'ouvrir au monde et tu vas essayer de partir sur les traces de ta mère. Parce que tu dois bien avoir une mère, tu vas le découvrir grâce au focus, je crois. Tu vas découvrir. Si t'es allé dans une cuve, mais. Non, elle n'est pas allée dans une cuve. Non. Mais. Le focus t'a parlé d'une fille qui s'appelle Elisabeth Sotbeck et qui te ressemble beaucoup. Genre à 95% un truc du genre. D'accord. Donc là tout de suite elle se dit c'est louche, ça doit être ma mère. Dans sa tête elle se dit mais. Bah oui, elle se dit c'est sans doute sa mère. Sa sœur jumelle. Oh, ça, ouais, oui, sa sœur jumelle. Oh, ouais. Enfin bref, elle va partir à la recherche de cette fameuse Elisabeth Sotbeck. Mm-hmm. Voilà. Donc. C'est comme ça que commence un peu l'histoire. C'est comme ça que commence l'histoire et vous verrez qu'il y a plein de problèmes, notamment avec des intelligences artificielles. Pourquoi la chute des humains, pourquoi il y a des machines, pourquoi il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent encore toutes seules Mais c'est autonome. Hein, après. C'est autonome, mais est-ce que ça cache pas d'autres secrets? Ah. Vous allez pouvoir monter des machines aussi. Ah ouais? J'en avais pas parlé ça, mais c'est. Ouais. Alors, c'est pas vraiment du dressage, mais grosso c'est du piratage. Ah, d'accord. Genre, tu vas pouvoir aller buter des mecs qui te font chier. C'est ça. Parce que c'est fun, par contre. Au tout début du jeu, tu vas rencontrer une créature, elle va attaquer ton village, grosso modo. Mmh. Tu vas l'affronter. Et il y a un petit objet, un composant électronique qui va tomber. Ça va être un truc qui pirate, en fait. Ah oui. Donc la créature était déjà piratée, enfin la machine était déjà piratée, elle était corrompue. Mmh. Toi, tu vas le ramasser, tu vas le mettre sur ta lance, et du coup, tu vas pouvoir t'amuser à corrompre des trucs. Alors au début, pas trop, enfin des petites créatures, et après, plus t'évolues, plus ça sera. Enfin, plus tu trouveras de composants électroniques, et plus tu pourras corrompre de trucs. Donc c'est assez marrant. C'est un côté fun, ouais. Oui. T'auras des grosses créatures, évidemment. Est-ce que je suis en retard? Non, je sais pas. Non. Tu pourras corrompre. Il y a des genres de T-Rex mécaniques. Ah. Je sais pas pourquoi, l'évolution. Ils ont des petits bras. Ils crachent pas que du feu, ils tirent des missiles. Ouais. Et auto-téguidé en plus. Plein de petits trucs. Ah, oui. Ils sont assez durs à tuer. Mais après, comme j'ai dit, vous pouvez viser certaines zones. Mais ce T-Rex mécanique, est-ce qu'il est. Grand. Autonome ou alors il est guidé par quelqu'un? Il est autonome. Généralement, c'est des créatures sauvages, la plupart. Okay. Sauf peut-être les créatures corrompues. Là, ils sont peut-être corrompus par quelque chose. Par l'IA, quoi. Par une IA. Je sais pas si je dis son nom. J'ai envie de le dire, mais en même temps. Non, ouais. Faut qu'on le découvre. Ok. Voilà. On découvrira. Je vous le dis pas. Voilà. Dans tous les cas, ça va vous amener à enquêter sur la disparition. Vous allez tout découvrir. Vous allez savoir qui c'est Elisabeth Sobek. Vous allez savoir pourquoi les humains ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme conneries pour disparaître. Là, tu m'as donné envie, tu vois. Ouais, j'espère. Ouais, ouais. Je donne toujours envie. Attention, séducteur qui rentre en jeu. Ou côté pervers. Ouais, côté charmeur. Là. Dans tous les cas, si vous avez envie d'y jouer en ce moment, j'ai été checker les prix. Il y en a à 20 euros. Oh, ça va, c'est raisonnable. Ouais. Et il est disponible sur quoi comme plateforme? C'est une exclu. Exclu PS4. Alors maintenant, il doit être peut-être possible sur PC, j'imagine, d'une certaine manière. Je sais pas comment on appelle ça. En émulateur? Ouais, c'est ça. Émulateur? Ouais, ça doit être possible, j'imagine. Ouais, mais bon, faut avoir les PS4, quoi, c'est chiant. Puis je vous conseille aussi de le prendre. Enfin, le pack avec Frozen Wild, c'est une extension. Alors moi, j'ai acheté le pack en entier. Du coup, ça donne une autre. Une autre bout de map en plus. Mm-hmm. Je dirais ça représente un cinquième de la map que t'as déjà. Donc c'est plutôt bien, ça te permet de voir d'autres trucs avec des nouvelles armes, et, ça augmente bien, c'est plutôt cool. Donc je vous le conseille, franchement, c'est un jeu que j'ai bien aimé, personnellement. J'irai voir sur YouTube les vidéos, genre du synopsis du jeu un peu. Sans problème. Je te redirai ça jeudi prochain. Ouais, hein? T'as déjà Subnautica fini. Ouais, j'ai commencé d'ailleurs hier. Ouais. Ah, hier, bon, ouais. Joli. Pas mal. On va écouter une musique du coup. Ouais, la suite pour allez. Le coup. Allez, soyons fous. Soyons on va un écouter. Peu fous. Bah, on va peut-être être un peu fous parce que je la connais pas cette musique. C'est peut-être fou de pas la connaître. Ouais. Ça s'appelle Rude Boy. Oh non. Rude Boy. Je voulais le dire avec l'accent Rude. Ah. Rude Boy de Dr. Canny. J'adore son pseudo, Dr. Canny. C'est marrant. Hein. Bon, Canny pour Dr. canin ou Canny pour cannibale On sait pas. Qui c'est? On va peut-être le savoir dans sa musique. Ah non, attends. Quoi? Non. Tout à l'heure, on a écouté l'intro d'une musique. Ouais. C'est donc Docteur Cani, ça sera après. Ouais. Ça sera après. Je sais plus. On verra bien. Ouais. Non, là, on va écouter If This Ship Sink, dont on a commencé à écouter l'intro, de Jonathan Young. Tu vois, il est facile. Ouais. Jonathan D'accord. Young. Ah oui, voilà. Attends. Jonathan Jeune. En théorie, t'as juste à appuyer sur lecture et ça lance. Alors, cette musique, c'était Docteur Cani la dernière qu'on a écouté là. Non, c'était Rude Boy. Oui, de Docteur Cani. Ah, autant pour moi. Et oui, c'était bon, pour le coup, ouais, c'était celle-là. Ouais. C'était assez. Comment on appelle ça pas jamaïcain. J'ai envie de dire jamaïcain. Si, c'est ça, c'est du reggae. Reggae, voilà. C'était reggae, très reggae, la petite sonorité. J'aime pas le reggae. Ah, t'aimes pas? Ah. Pour moi, c'est tout le temps la même chose. Ah, ça j'ai l'impression c'est d'entendre tout le temps la même rythmique. Ouais. Voilà. C'est toujours. Le beat est un peu voilà, pareil. C'est, pour c'est ça, vrai. Ouais. J'accroche pas. Après, il y a des musiques un peu plus diverses que genre Bob Marley ou ce type de musique. En même temps, quand on parle de reggae, on entend Bob Marley dans la ouais. enfin, ouais, bah, sans vouloir s'en rendre vient, compte. Hein. Ouais, voilà, c'est eux, les gens vivants du reggae. Oui. Donc, on parle pas de reggae aujourd'hui. Non. On est dans PK Avengers. Ce soir. On parle effectivement, on parle pas de musique. Nous, enfin, ça pourrait arriver. Hein, ouais. Je vous cache pas, pourquoi on peut pas. Parler de musique de manga. On pourra peut-être même vous passer des extraits un jour ou l'autre. Ouais, d'ailleurs, ça peut arriver. Des musiques de films. J'ai bien de films. Mes openings de manga sur voilà. Mode. On a Jolan qui nous prépare des openings. Ah, ça, c'est yes. parfait, ça. On pourra peut-être même faire genre un petit blind test, tu vois. On pourra ouais, s'organiser ça. Ce serait fun. Ah, ouais. Ça serait cool. Hein. Et à force ça de les écouter, cool. je les connais par cœur. Hein. Là, je suis... Au cours de l'année, on vous proposera plusieurs blind tests que on fera en direct, évidemment. Il y aura sans doute un manga. Alors, jeux vidéo, ça risque d'être compliqué. Mais film aussi, je pense. Film et série. Voilà, on fera un petit blind test sur chaque catégorie, grosso modo. Comme ça, on en aura pour tous les goûts. Et on verra qui c'est le plus fort. On verra bien. C'est ça. Je vous défie en duel. Non. Voilà. Donc là, c'est Gaëlan de vous présenter quelque chose. Ouais. Alors, je vais vous parler de La folle journée de Ferris Bueller. Bueller. En VO, c'est Ferris Bueller's Day Off. Donc c'est un film réalisé par John Hughes qui est sorti en 86 et pour le genre c'est de la comédie et c'est un film teen movie, donc un film adolescent, pour les adolescents. Oui, je viens de comprendre. Voilà, donc ça dure... J'aime les comédies. Oui, bah, c'est le genre préféré. Oui, c'est ça vrai. Dure 1h45 environ. Donc à la réalisation et au scénario, bah, on a John Hughes, et vous connaissez tous forcément parce qu'il a fait un film culte, enfin tous ses films sont cultes pratiquement, mais un en particulier qui est sorti en 1990 qui s'appelle Maman j'ai raté l'avion. Ah oui, tout voilà. le monde le connaît. Il a écrit et c'est Chris Columbus qui le réalise. Alors, je connaissais pas spécialement le nom, mais je connais ce qu'il a réalisé du coup. Voilà, pour le et coup, Chris Columbus, tout le monde connaît a forcément. Pour les deux premiers Harry Potter. Ah. Donc la production, bah, c'est Paramount Pictures. Et pour ce film, on a un super casting, car pour le personnage éponyme, on a Matthew Broderick qui joue Ferris Bueller. Ouais. Matthew Broderick, donc, qui avant a fait Wargame, ouais. et ouais. qui ouais. dernièrement, bah, on voit pas beaucoup, mais Wargame, qui... c'est moi j'ai adoré ce film. Ouais. Ouais, j'ai rebondi là-dessus parce que je l'ai revu et revu. Okay. Et on a dernièrement, il a interprété Inspecteur Gadget au cinéma au début des années 2000. Ah, excellent. Voilà. Le premier est super, le deuxième. Il y en a pas un qui est prévu là de sortir récemment. Aucune j'ai cru voir ça. Non, il me semble pas. J'ai jamais été fan d'Inspecteur Gadget. Voilà. Non plus. Personne. Aparté. Ouais. Sinon, à ses côtés, on a Alan Ruck qui joue son meilleur ami Cameron Fry. Mm-hmm. On a Mia Sara qui interprète sa copine Sloane Peterson. On a Jennifer Grey qui interprète sa sœur Jenny Bueller. Jennifer Grey, mm-hmm. on voit l'année suivante. Dans un film culte également qui est Dirty Dancing. Ah bah oui forcément Dirty là. Dancing, là. Là ça parle à tout le monde. Là une bonne référence je pense. Oui. Je pense. Et on a Jeffrey Jones qui interprète le rôle du proviseur dans l'école de Furious, Edouard Rooney. Du coup alors, ça va se passer dans une école. S'il y a un directeur. Alors, ça se passe très peu dans l'école. Ah. On a juste le proviseur. Donc je vais vous dire, Ferris Bueller, ça raconte quoi? Eh bien, ça se passe à Chicago, et le jeune Ferris Bueller, devenu l'idole de son lycée, il est rusé, débrouillard et charmeur, il réussit à persuader ses parents qu'il est malade. Donc il séduit tout le monde, à l'exception de sa sœur, et du proviseur, Edouard Rooney. Ça paraît normal de pas vouloir séduire sa sœur, ouais. normalement. Enfin... Non, mais je veux dire, il a un côté charmeur qui fait que tout le monde... L'apprécie, sur l'apprécie, sa sœur. Voilà. Ouais. Ah, oui. Sa sœur, elle connaît ses ruses. Voilà. Oui, d'accord. C'est, ça, oui. c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Il cache un jeu, enfin, il joue un jeu, plutôt. Oui, il joue... Mais puisqu'il voilà, il est rusé, il est charmeur. D'accord. Donc, pour cette folle journée, il embarque Sloane, sa petite amie, et convainc Cameron qui est un hypochondriaque de première. Pas de bol. Qui est son complice de toujours, de les accompagner en ville. Pour s'y rendre, ils empruntent la superbe Ferrari 250 GT du père de Cameron. Oula. Ouais, Cameron qui lui n'est pas de, qui est pas content et parce que son père il tient plus à la voiture qu'à la vie de son fils. Hein, donc c'est très très marrant. En même temps t'as dit une superbe Ferrari. Ouais voilà, une superbe Ferrari 250 GT, il y en a 100 exemplaires donc tu comprends pourquoi le père il est attaché à... Ils l'ont emprunté genre ils l'ont prêté ou genre ils l'ont emprunté. Ils l'empruntent. Ouais. En fait, c'est Ferris qui la prend sans demander la permission et ils vont en ville avec. C'est un peu du mal ça. Voilà, il est jamais à court d'idées pour faire des plaisanteries et il est bien décidé à profiter de cette journée parce qu'on approche des vacances, c'est la fin de l'année scolaire. Voilà. Donc vitesse, bon restaurant, événements sportifs, défilé de chars dans les rues de Chicago. Mais malheureusement, le proviseur et la sœur de Ferris, chacun de leur côté, ils ont décidé de prouver aux parents que leur fils est un cancre et qu'il sèche l'école. Lol. Voilà. C'est possible. Et c'est vrai qu'il séchait. Ce jour-là, oui. Il a plein de Russes dans sa chambre. Quand il appelle les gens de l'école, il est avec son piano et il met une cassette et il fait croire qu'il éternue, qu'il pète, ce genre de choses. Ah oui. Voilà, il a plein de stratagèmes pour faire croire qu'il est. Et pour faire croire qu'il est toujours dans sa chambre, il a mis un mannequin dans son lit. Excellent. Et dès que la mère ouvre la porte, le mannequin se retourne et on a le droit à des bruits de ronflement en même temps. Donc c'est assez drôle. Ouh. Voilà. C'est du faux. Et voilà, ce qui est assez drôle, c'est que à un moment il va dire je suis malade, je crois qu'il va peut-être falloir qu'on me greffe un rein. Et donc tout le monde dans l'école se cotise pour mettre des sous pour qu'il puisse avoir pour qu'on puisse lui greffer un rein. Le mensonge qui va. Ce qui est dingue, c'est que toute la ville va être au courant et même sur une grande pancarte va être marqué sauver Ferris. Voilà. Un mensonge comme quoi on entraîne un autre et un autre. Et mais voilà, toute la vie va arriver, il va recevoir des fleurs de tout le monde. Donc à la fin dans la baraque t'as des fleurs partout. Voilà, tout le monde. Et avec Ferris, tout le monde l'adore. Excellent. Comment ça va se terminer, genre de truc. Ouais. Voilà. Donc voilà à peu près c'est cool. L'idée principale du film. C'est cool, ça donne envie en vrai. Bah, le mec il passe. Non mais c'est. Il y a une bonne philosophie de ce film. Ouais, faut pas mentir. Ouais, voilà. Non, mais tu passes un bon moment et t'es heureux après l'avoir vu, t'es content. C'est un happy end, je parie. Si c'était un teen movie, forcément, c'est un happy end. Eh ben, pas forcément, je vais te surprendre, mais pas forcément. Mais t'as toujours une bonne morale. Oui, oui, toujours. Voilà. Donc, c'est un film qui est axé un peu sur la nostalgie, puisque, comme j'ai dit, c'est un film où ça se passe à la fin de l'année scolaire. Ils sont en terminale, ils vont plus se voir. Ils vont se séparer, ils en parlent à la fin du film. Voilà. Ça nous touche parce que ça nous est tous arrivé. C'est la dernière fois, quoi, donc on en profite, on fait un peu, voilà. C'est pour ça qu'il sèche l'école. Ça se comprend alors, ce côté-là. Voilà. Donc j'ai des petites choses à vous dire pour le par rapport au film. J'ai une question. Oui, vas-y. Avant. La Ferrari va survivre. Tu veux vraiment que je te le dise? Je crois savoir la réponse, c'est ça le problème. Ouais. J'ai déjà une idée de la réponse. Si le mec il tient tant, c'est qu'à mon avis il va forcément y arriver quelque chose. Eh ben, elle ne survit pas la Ferrari. Ouais. Oh là là. Non, je te dis. En gros, pour te résumer, c'est que la Ferrari, le père de Cameron, ne l'utilise jamais. Il le fait que la lustrer. Donc au compteur, tu n'as que 130 miles. Ouais. Voilà. À la fin de la journée, ils arrivent à presque 400 miles. Et ils vont essayer de remettre le compteur à 130 en essayant de la marche arrière, sauf que ça ne marche pas. Ah, les cons. Donc ils la mettent sur un espèce de châssis pour que les roues soient en l'air et tournent à l'envers. Ouais. Et Cameron, qui est tellement en colère à un moment à la fin du film, pousse contre la voiture, il la cabosse. Ah. Et au dernier coup, il enlève le châssis, la voiture part, casse la fenêtre et finit dans le jardin, dans le fossé, quoi. Ah, dur. Voilà. Donc plus de Ferrari. Personnable. C'est vraiment pas de bol pour cette belle Ferrari, mais voilà, faut savoir un truc. Alors attends, je cherche dans mes notes. Voilà, c'est que comme il n'existe que 304 copies de cette fameuse Ferrari, plusieurs amateurs de voitures en colère ont écrit à John Hughes pour dénoncer qu'ils en détruisent une dans le film. Mais en fait, il s'agit seulement d'un moule en fibre de verre de la célèbre carrosserie installée sur le châssis d'une voiture beaucoup plus abordable. Donc, forcément, ils n'ont pas forcément le budget pour détruire une belle voiture. C'est marrant quand même que des gens viennent engueuler le réalisateur, mais putain, mais t'as pas honte. Bah ouais, parce que c'est une voiture rare. Ouais, c'est une vraie voiture. comment t'es état d'esprit de l'époque, genre, il y a 100 exemplaires, putain, faut... C'est comme la DeLorean de Retour vers le futur, quoi. Il en existe que 2000... T'imagines, j'utilise pour faire un crash test, genre... Ah, non, voilà, la vie, non, ça passe pas trop, là. Donc, voilà. Je me suis demandé d'où vient le personnage Ferris Bueller, par exemple. Ouais, pour savoir si ça existait. Eh bien, oui. Je vous dire, c'est 10 choses à savoir. Je pourrais dire 10, mais... Je vais vous dire la moitié, ouais. Alors que certains souffrent du syndrome de la page blanche, John Hughes a écrit le scénario complet de ce film en à peine 6 jours. Ah ouais. En calquant le personnage de Ferris sur son ami d'enfance qui s'appelle Bert Bueller et celui de Cameron sur un hypochondriaque qu'il côtoyait dans sa jeunesse. Ah, donc c'est voilà, un peu comme inspiré quoi, de. Ouais. Il faut s'inspirer de sa vie pour écrire un film. Ah, il faut avoir une vidéo, voilà. C'est dingue, hein. Faut prendre des trucs qui nous arrivent à droite à gauche, puis tout mettre sur une seule personne et bam, t'obtiens un truc qui arrive que des trucs de ouf. Ouais, tu fais un type de fiction humoristique et puis ça peut cartonner ou pas. Bah, ouais. Ça avait cartonné du coup. Oui, ça a cartonné. Oui. Donc, l'école aussi, l'école de Ferris s'appelle la Shermer High School, est aussi en vedette dans 3 autres films de John Hughes. Il utilise toujours la même école parce que c'est... Non, pas forcément, mais il l'utilise dans 3 films là, qui s'appellent 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club et Pretty in Pink, qui sont en fait, ça fait une sorte de saga de teen movie. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà, qu'il clôture avec la créature. Toujours le même réalisateur. Oui. Ouais. Bah, John Hughes, il adore écrire des rôles pour les enfants. Mmh. Il adore les enfants. Pas dans le mauvais sens. Ok. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir un peu dans le film les prémices de Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui ? Oui, avec Ed Rooney, le proviseur, qui il décide d'aller voir Ferris chez lui. Mm-hmm. Et t'as cette scène avec la porte pour les animaux. La trappe Ouais, une trappe pour les chiens et les chats. Ouais, voilà. Bah, t'as ce genre de référence dans Maman, j'ai raté l'avion. Quoi. Ça, quelque chose qui un easter egg. Ouais, voilà. Magique. Donc d'autres choses à savoir, par exemple, il y a eu plusieurs rapprochements qui ont eu lieu sur le plateau du film. Oh. Non seulement Matthew Broderick s'est-il fiancé à Jennifer Grey, qui joue sa sœur dans le film. Ah. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc là. Voilà. Mais les deux comédiens qui jouent leurs parents, donc Cindy Beckett et Lee Manward, se sont également mariés après le tournage et ont eu 2 enfants. Ah, le délire. C'est assez amusant, je trouve. Ouais, pendant un tournage et tout, c'est dingue. Ouais, je sais pas. Ça nous est jamais arrivé, nous, au sein du SVA. Ah ouais Parce que, bon, je précise pour ceux qui connaissent pas, le SVA, c'est une association basée à Amboise. On fait du cinéma, du court-métrage et ainsi de suite. Et j'en connais pas. Alors, attends. Je réfléchis. Si, il y a eu à l'époque Jules et Elisa. Oh. Si, ils nous écoutent. Bonjour, Elisa. Ils se sont mis ensemble, ils faisaient partie du SVA. Et après. Je sais plus, j'ai du mal. Je crois pas. Donc, ensuite, John Hughes a personnellement choisi toutes les chansons du film. Le groupe The Cure a composé une pièce pour la scène du musée, donc une belle scène que j'adore, qui n'a malheureusement pas été utilisée dans le montage final. Ah, oh, chier, quand même. Ça, c'est dur. Et d'un autre côté, on a Paul McCartney, donc l'un des Beatles, qui s'est plaint qu'on ait ajouté une ligne de cuivre à son Twist and Shout lors de la parade. Voilà. Parce que Ferris arrive à monter sur un char et va chanter Twist and Shout durant le festival. Il a la classe ou il l'a pas, quoi. Ouais, voilà, là, il a la classe. C'est ça, ouais. Forcément. Voilà. Il est triste d'avoir. Oh, bah, pour le coup, je voulais revenir sur la musique qui n'était pas mise sur la fin. Oui. Tu sais la raison de... Non. Pourquoi la scène a été non, coupée? Non, je n'ai pas trouvé la raison. Ah, okay. Bah, des fois, il y a plusieurs raisons. C'est de couper le producteur. Ou... Bah non, puisque The Cure était en partenariat avec lui. Ah, pour, ils étaient non, bah non. Ils avaient un contrat. C'est soit les scénaristes, soit les producteurs. Ouais, qui se sont dit à la dernière minute. Ouais, ça c'est souvent les producteurs. Pas, ça collait peut-être pas avec la scène. Okay. Je ne sais pas. Ouais. Donc voilà. Alors, le rôle de Ferris Bueller a marqué la carrière de Matthew Broderick. Car à la cérémonie des Oscars en 2010, lors de l'hommage rendu au défunt John Hughes, l'acteur a confié que pratiquement chaque jour depuis la sortie de film, un passant l'aborde dans la rue pour lui demander « Ferris, est-ce ta journée de congé aujourd'hui ?» En référence à ce film-là. Voilà. Donc on connaît Matthew Broderick maintenant parce que c'est Ferris Bueller. Voilà, donc c'est un film qui brise le quatrième mur. C'est-à-dire que le personnage s'adresse face caméra directement à nous en tant que spectateur. Ouais. Et je me demandais, bah, ça doit pas être forcément le premier film qui fait ça. Et non. Car j'ai retrouvé, hier, un premier film d'ailleurs. C'était quand même assez innovant à l'époque. Oui, enfin, je pense que ça l'est parce que j'en ai pas trouvé beaucoup. Ouais. C'est vrai que le premier, c'est en 1950 avec Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, qui est un super film que je vous conseille. Voilà. Je connais pas du tout. Je connais Deadpool, par exemple. Voilà, bah alors je vais en venir à Deadpool. Ah. Mais pas tout de suite. Il y a d'abord Pierrot le Fou. Deadpool. Il y a Pierrot le Fou de Godard. Mm-hmm. Après en 77, on a Annie Hall de Woody Allen. Et j'en viens en 2016 à Deadpool de Tim Miller. Parce que Deadpool reprend Ferris Bueller à la fin. Ah bon, on a une scène post-générique où Deadpool vient nous dire: mais le film est fini, qu'est-ce que vous faites encore là? Oui, quand il est dans sa salle de bain. Ça vient de Ferris Bueller. Il est pas dans sa salle de bain, il est un peu dans une maison. Dans une maison. Et à la fin du film, Ferris, qui est en peignoir, vient nous dire: mais qu'est-ce que vous faites encore là? Et il était en peignoir. Oui, il voilà. Il est en peignoir. Et ça vient de Ferris Bueller. Ah, petite référence. Voilà. Ah ouais, excellent. Parce que quand je vais voir un Marvel, je reste toujours à la fin pour voir les trucs. C'est instinctif. C'est leur signature un peu. C'est même si des fois je vais voir d'autres films et je me dis: faut que je reste à la fin, il y a peut-être quelque chose. Bah, en vrai, moi aussi, ça me le fait à chaque fois. Est-ce qu'il va y avoir un truc ou pas? Du coup, je savais pas que c'était une référence. Bah, c'est une référence directe à Ferris. Ok. C'est une bonne référence, je trouve. Ah bah oui, totalement. Voilà, le film a eu et a toujours de très bonnes critiques. Par exemple, sur IMDb, on atteint la note de 8 sur 10, presque. Et sur Allociné, 4 sur 5. C'est correct. Bah, c'est plus que correct. Et je lis de très bonnes critiques. Mais apparemment, c'est le film le plus politisé de John Hughes. Ah ouais? Ah bon? Ouais. Pour quelle raison? Il évoque la liberté de Bart Simpson, par exemple. Ouais. Donc Ferris, il s'asperge les cheveux dans sa douche et se constitue une crête en mode punk. Ouais. Tendance No Future. Nous détaillons dans les yeux les étapes d'une arnaque pour parents imbéciles. Par exemple, l'ado prône l'empereurement d'une jeunesse à la Mark Twain. Plus maligne que les adultes. D'accord, d'accord. Ça n'a pas été très bien vu. Voilà. Mais j'ai une bonne critique, par exemple, de Julie F, qui dit c'est un film totalement jouissif, le film est un hymne à la bonne humeur. Prototype trop souvent copié mais jamais égalé du teen movie à l'américaine, Ferris Bueller a su marquer toute une génération et imposer par là même les stéréotypes de telle comédie. Voilà, Allociné. Un film unique, alors, même s'il y a eu des problèmes avec la politique ou ce genre de trucs, au final. Ça reste une comédie, et puis faut avoir du recul, faut pas dire, faut avoir un peu de recul. Je pense qu'il avait un... pas forcément voir sous cet angle. Il avait un côté artistique quand il a fait ça, c'était pas pour faire le buzz politique. À l'époque, je pense que ça se faisait même pas. Ça a plu au public, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà, c'est un super film que je vous conseille. Je pense que j'irai checker. Non, mieux, si un jour on se fait une soirée, on regarde ça. Ah ouais, carrément. T'as beaucoup de films de toute façon qu'on a regardé, Rompero Banzai. Il y a tellement. C'est tellement varié. Il y a tellement de bons films. C'est ça. Ça s'arrêtera jamais. Voilà. Et c'est tout pour moi. D'ailleurs, en parlant de bons films, je sais pas, Johan, as-tu des questions? Non, mis à part que tu m'as donné envie de le voir. Ouais, tant mieux. Voilà, c'est un film de Sylvain Tomkins. Je sais pas si tu l'as dit au début, j'ai peut-être oublié, mais il dure combien de temps le film? Il dure 1h45. 1h45, ok, ça marche. Ça, c'est raisonnable pour un film. Oui. Ouais. Antoine, t'en penses quoi? Merci Antoine. Je sais pas. Voilà. Antoine n'est pas là. N'est plus là, il nous a quittés. Ça fait trop. Il a raccroché, voyons. Non. Rien du tout. Vas-y, dis une blague, je peux scratcher si tu veux. Je sais plus si c'est Jésus ou Gloria Gaynor qui disait I will survive. Je peux pas savoir si c'est elle ou pas qui l'a dit, mais c'est une chanson de Gloria Gaynor. Oui. D'ailleurs, avant de parler de chanson, Jolan, tu vas nous présenter. Enfin, après la chanson justement de Tiffany Alvord. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est pas I will never survive, c'est I'll never be your girlfriend. Je ne deviendrai pas ta petite amie si j'essaie de traduire. Je continuerai à vivre quand même. Tu vas nous présenter un film après cette musique, si je me trompe pas. Ouais. Et je crois savoir que c'est un de mes films que j'apprécie un peu. Ouais, moi aussi, Pacific Rim. Le premier, parce qu'il y en a deux. Oui, il y en a deux, effectivement, ils sont sortis. J'ai deux en DVD. Je vais parler du premier parce qu'il y a des acteurs que j'apprécie vraiment dans ce film. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Ok. Eh ben, on se donne pas rendez-vous. Écoutez Tiffany Alvord et après, écoutez Jolan. Notre cher Johan il a un peu de mal aujourd'hui. Je sais pas si c'est un truc surnaturel, je sais pas si. Un fantôme est débarqué et a appuyé sur le bouton. A démarré la musique, voilà. Ça arrive, il y a des fantômes chez Disney. On va écouter vraiment, on va vraiment teaser toutes les musiques. C'est ça. Mais la musique d'avant, la musique de Tiffany Alvord, j'ai essayé de la siffler. Ouais. Comme vous l'avez entendu. Ouais. Attends, je vais essayer de siffler. Voilà. Ouais, totalement, totalement. Je ne sais pas siffler. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut m'apprendre à siffler. Moi, je t'apprendrai, t'en fais pas. Ouais. J'ai essayé, hein. J'ai essayé des tutos, j'ai essayé plein de trucs. Ouais, tu sais pas. Ça marche pas, mais il y a des trucs. Bah ouais, je te jure, je sais pas siffler. Des doigts, non, c'est vert. Il y a des trucs, même avec les doigts. Ouais, c'est marrant. Ouais, non, mais moi non plus, je trouve que c'est une vraie galère. Il y a des trucs que les. Ah, si je le fais, je vais péter les oreilles de tout le monde, on peut pas le faire. Il y a des trucs que les humains ils peuvent faire et d'autres non. Oui. C'est. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. J'ai d'autres talents. C'est pas anodin. Ouais. J'ai pas sifflé. J'ai pas sifflé. Vous imaginez si je savais siffler. Ça peut siffler. Être un talent de pas siffler. Et comment, oui. Comment tu fais pour appeler ton chien si t'en as un? Bah, je lui donne un nom. Tu fais. Ouais, c'est ça. Médor au pied. Comme mon bébé. Non, c'est... Non, le plus gênant, c'est pour siffler les filles dans la rue. Ça, oh. Je peux même pas faire ça, je suis obligé d'être un gars bien. Ouais, il y a assez de beaufs comme ça. Hein, oui, bah voilà, je peux même pas être un beauf. Bon, bref, parlons de Pacific Rim pour le coup. Ouais, du coup, Pacific Rim, c'est un film de science-fiction américain qui est réalisé par Guillermo del Toro. Ah. Guillermo del Toro. J'ai bien prononcé. Grosso modo, oui. Il est sorti en 2013 et une suite de Pacific Rim. Le 2, ouais. Il est sorti cette année ou l'année prochaine, je sais plus. L'année dernière, ouais. Je perds la notion du temps. Qui est sorti en 2018 et qui était réalisé par Steven S. Deknight. Ah, c'est pas le même réalisateur. Non, c'est pas le même. C'est ça qui m'a... Pourquoi? T'as une raison? Non, j'ai pas de raison. Peut-être qu'il était sur un autre projet, Guillaume. Ouais, c'est peut-être pour peut-être, ça. Ouais. Bah, il me demandait en même temps. La forme de l'eau. J'avais pas trop d'infos sur. J'adore ce film. Ah non, sorti. J'ai été voir dans. Avec Thomas. Ouais, chef des. Ouais, The Shape in the Water. C'était sympa, hein. C'était un film indé. Enfin, moi j'appelle ça un film indé parce que c'est des films en gros qu'on verra pas trop sur les affiches des cinémas bien connus. Enfin, quoique si. Bah, je les ai vus, mais à Tours, tu vois, il y a plusieurs types de cinéma. Tu vois, t'as le CGR où tu vas trouver tous les blockbusters et tout ça, tous les films. Genre un Marvel, voilà, c'est là-bas. Et t'as aussi le studio. Les studios. Ouais, voilà, donc c'est un cinéma avec. Ouais, j'adore les films avec. Ouais, voilà, des films d'auteur en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Et Shape in the Water, c'était là-bas. Ils ont passé même Ad Astra là-bas. Hein. Ah ouais? Ouais. Excellent. Je sais pas ce que c'est. Mais ils les passent en version originale, plus souvent. Oui, voilà. Ça qui est bien. Et pour moi, ils passent plus les films avec des auteurs derrière. Enfin, voilà. Moins de blockbusters et plus de films. Enfin, je sais pas, oui, non, j'arrive à faire une différence. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore. Mais... Ok. Bah, je vais vous raconter un peu l'histoire, mais si vous la connaissez un peu, j'imagine. Vous non, l'avez je vu, connais pas du tout, tu l'as pas, vu, encore vu. Ah, okay. Explique. Alors, le synopsis du film, c'est: pour combattre les kaijus, des créatures extraterrestres sorties d'une brèche interdimensionnelle, près de la faille géologique. Dans le Pacifique. Au fond de l'océan Pacifique. D'où le nom. Pacifique. Pacifique. Oui. Voilà. Alors que les programmes Jagger visent d'être abandonnés en 2025, les forces qui défendent l'humanité n'ont pas le choix de se retourner vers un héros, le pilote Raleigh Beckett. Raleigh Beckett, qui recrute en tant que pilote parce qu'ils étaient tellement désespérés qu'ils avaient plus de. Bah ouais, ils ont cherché en fait des moyens de combattre les kaijus. Voilà, c'est ça. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de, construire des gros beaux géants, voilà. Si je me trompe je pas. Je fais référence aussi à le manga. Ah, Neon Genesis Evangelion, oui, effectivement. Ouais. C'est un manga qui est sorti en 95 qui peut faire référence à ça. Voilà. Que je présenterai tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce que tout je voulais est lié. Dire d'autre. En fait, en gros, c'est ce mec-là, le héros principal, Beckett et Maori. Mako Maori, voilà, c'est ça. La fille qu'il a rejoint dans son. Ah oui, Jagger. Oui, bah ouais, mais avant ça, il y a son frère d'abord. Oui, avant ça, oui. Avant, en fait, je peux dans pas les le... débuts. Je peux pas le dire. Mais si, c'est le tout début, donc tu peux. Il y a même le 2 qui est sorti. Ouais, bon, tu peux le dire. Son frère, malheureusement, lors d'une mission de sauvetage, meurt. Voilà. Du coup, parce qu'il faut savoir, en fait, les robots, ils sont tellement imposants. D'abord, ça s'appelle des Jaeger. Voilà, c'est des. Ah, j'aime bien ce mot, j'adore ce mot. Ouais. Et ça se pilote à deux parce que la charge neuronale est trop importante pour une seule personne. Alors, charge neuronale. Il y a deux esprits qui sont connectés, en fait. C'est ça. Ils connectent les esprits et comme ça, ils peuvent se partager une partie de la motoricité du robot du Jagger. En deux. Voilà, grosso modo. Et là, ils contrôlent le bras droit, l'autre bras gauche. Ce qui était très difficile pour Beckett, c'est que comme du coup, ils sont connectés neuronalement, quand son frère a été tué, il a ressenti toute la souffrance et la douleur. Voilà. Parce que tu penses comme l'autre, enfin, tu vois ce que l'autre pense. Donc, voilà. Ça a été très terrible de perdre son frère. Du coup, il s'est reconverti dans la construction de murs. Dans la construction de murs. Parce qu'il est devenu portugais. Non. Attention, grosso modo. Notre producteur, il est portugais. Merde. Non. Origine, pas portugais. Oui, il y a deux origines. Et du coup, ils avaient un autre projet pour se défendre des kaijus. C'était pas que construire les robots. Enfin, voilà. C'était construire aussi un mur côtier au cas où que les au cas où que les Jaegers suffisaient le pas. Le mur côtier, pas très le mur de la vie. Très énorme. 10 ans après, je crois qu'il y a un gaiju qui le percute d'un coup, ouais, qui le défonce comme du papier. En 10 minutes, il éclate le truc. Je crois qu'il s'appelait Tête Tranchante son code au gaiju. Allez, hop là. Voilà. Transpercer le mur, c'était du papier le bordel. Et pour le coup, il y a un Jaeger qui est intervenu et puis il se rend compte que les Jaegers sont plus efficaces que les murs. Le mur, au final, ça c'est pas une solution viable. C'est bien si tu dois le reconstruire tout le temps. C'est une perte puis surtout, de temps, il a réussi à rentrer d'argent surtout pour. C'est pas comme s'il avait galéré à le détruire. Oui voilà. En plus. Le mec, il est rentré dedans, il a foutu un coup de pied. Enfin le kaiju par là. C'est genre il a marché quoi. Voilà. Et c'est un film que j'ai particulièrement accroché, surtout pour les réalisateurs que l'on retrouve dans Son of Anarchy, oui, voilà, effectivement. J'ai plus à parler. Charlie Hunnam qui joue Jack Steller dans la série Son of Anarchy. Dans le micro, t'entends plus. Ouais, pardon. Et on retrouve Ron Pellman qui joue Hannibal Show. Oui, c'est pas un méchant, mais c'est pas un gentil non plus. Il joue le. Comment dire le businessman en fait. Le businessman, il va revendre des trucs de kaiju. C'est ça. Le mec, dès qu'il y a un kaiju mort, paf, il est premier sur le coup, il va dépecer le kaiju. C'est les robots. Ouais. Non, le kaiju, c'est les créatures aliens. J'étais un peu perdu. Ouais. Jaeger contre kaiju. Okay. Humain contre alien. Et pour le coup, c'est. Jaeger. Moi, j'ai bien accroché. Jaeger, tu peux dire. Ou Jaeger. C'est un film, je crois, qui. C'est allemand. De cocktail. Ah oui, ouais, attends, d'ailleurs j'ai tiens, le Jägermeister. Le Jäger, ça, en allemand, c'est-à-dire le chasseur allemand. Ouais, voilà. Non, chasseur. Juste chasseur, pas chasseur. Allemand. Ah bon, bah je pensais qu'il y avait allemand. Mais en allemand, Jäger, ça veut dire chasseur. Ouais, ok. Et il y a un alcool qui s'appelle Jäger. Sérieux ? Oui. Jäger, oui, c'est un alcool de plante. Et oui, je t'avoue que j'ai pas mal picolé des. Mike Jäger aussi, mais c'est autre chose. Ouais, alors ça, c'est un alcool de musique. C'est autre chose. Voilà, et puis c'est vraiment bien joué, le scénario est vraiment sympa, donc c'était un film de science-fiction. Bah, j'adore, moi j'ai les films de science-fiction, mais celui-là j'étais pas attiré. Ouais, bah je recommande quand même, moi aussi j'étais pas attiré au début. Je sais pas. J'étais comme toi, j'étais très sceptique, j'ai regardé la bande-annonce. Qu'est-ce qui t'a plus plu est-ce que c'est le scénario, le scénario, enfin tout m'a plu quasiment. Les effets spéciaux. Le jeu des acteurs n'est pas spécialement très développé. Ouais, parce que du coup, c'est pas vraiment les acteurs que tu vas voir le plus. C'est le plus tu vas le voir évidemment. Les acteurs que tu vas voir, les effets c'est spéciaux. C'est ça. Ça va être plus les combats, ces moments-là que tu vas attendre avec impatience à chaque fois, le nouveau combat, le nouveau truc. C'est vrai, les combats sont pas trop redondants, je veux dire, il y a de bonnes chorégraphies. Ouais, c'est assez très bonne chorégraphie. C'est assez dynamique. Ok. Puis si tu veux savoir, au final, c'est pas toujours les Jaegers qui gagnent. Ce genre de trucs. Ouais. Parce qu'au début, tu vois, alors au début, il y avait plein de Jaegers, c'était la folie, ils en créaient plein. Puis au final, ils se sont dit, ouais, non, finalement, c'est pas valable, on crée le mur. Mm-hmm. 10 ans plus tard, il n'y a plus trop de Jaegers, il y a le mur se fait transpercer comme du papier. Du coup, ils se sont dit, ah, faudrait peut-être qu'on reprenne le projet des Jaegers, en fait, ça marchait bien. Mm-hmm. Sauf que c'est trop tard, le projet a été abandonné. Les Jaegers, j'imagine, ils se défendent pas que avec leurs bras, ils ont aussi des armes. Ah, ouais, bah oui, évidemment. Pour le coup, ils en ont. Ils ont des canons laser, des épées. Oui. Bah, je risque de poser une question qui peut spoiler, mais comment ils arrivent à mettre fin à la vie d'un monstre ? Bah, ils le tuent tout simplement. D'accord, mais est-ce qu'il y a un point faible du monstre ? Non, est-ce que... non, il n'y a pas de. Ça va dépendre des points. Enfin, ça va dépendre du monstre. Est-ce qu'il est résistant à une arme ou pas ? Bah, en fait, non, du tout. Dans le déroulé du film, tu vas avancer et les monstres vont évoluer. C'est et ça. Ça va être, ils vont avoir du mal, eux, les Jaegers, à s'adapter en fait. D'accord. Parce qu'en fait, ils vont se rendre compte. Il y a. Dans ceux qui gèrent les Jaegers. Il y a des scientifiques évidemment qui étudient les kaiju. Ouais. Au début, ils mettent par catégorie, par puissance et tout ça. Mm-hmm. Donc t'as des catégories 1, c'était des chiens de chasse. 1, 2, 3, c'est des chiens de chasse. Grosso modo, c'est des gros monstres qui sont là juste pour tuer des humains. Ouais. Parce qu'ils vont comprendre en fait que les kaiju sont pas là comme ça. Il y a un but derrière leurs attaques. Et derrière leur apparition. C'est aussi. Ça. Tu vas comprendre pendant tout le film. Exactement. En fait, et c'est des attaques qui sont. Il y a un but. On va pas dire lequel, sinon là ça spoil tout. Ok, d'accord. Il y a un truc que tu vas comprendre dans le film. T'as des catégories 1, 2, 3. Ouais. Puis après, t'as les 4 et 5. Alors, les 4, ça commence à être du costaud pour eux, ils se font massacrer par des 4. Et bon, bah le 5, on en verra un. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On en verra un. Voilà. C'est... Puis surtout qu'il n'y a plus beaucoup de Jaeger en service. Ouais, pour le coup, ouais. Donc c'est pour ça, en fait, Raleigh, enfin le héros principal, à la base, il était constructeur. Enfin, il avait arrêté pendant 10 ans, il faisait constructeur de murs. Il a repris parce qu'on lui a demandé de revenir parce que justement on n'arrivait plus à trouver des pilotes ni plutôt Jaeger. Dash de pilotes, c'est pas trop quelque chose qu'il a demandé, j'imagine. Donc je crois qu'ils étaient 4 ou 5 hein, Jaeger qui restaient. Ouais, hein. Max. Donc non attends, ils étaient une dizaine au moins de pilotes Jaeger. Bah, oui parce qu'ils sont par deux mais des robots. Comptant, parce qu'ils portent des noms aussi, c'est sympa. Ouais. C'est quoi le nom du principal Je sais plus le nom du robot principal. Je saurais pas te dire. Oh, mais merde, je sais qu'ils ont plusieurs particularités, les Jaeger, par exemple, le truc du héros principal, il marche au nucléaire. Oui, et puis il est analogique. Il est analogique, et les autres sont très technologiques. Numériques. Numérique, ouais, d'accord. Voilà. T'en as un, il s'appelle Tcherno Alpha. Voilà. Alors lui, il est russe, je crois. Mmh. Ouais. Il est russe, c'est deux Russes qui s'entendent bien, voilà. T'en as un, c'est... Typhoon non ouais, c'est un truc à trois bras hein. Oui c'est le Jaeger chinois. Mm-hmm. Donc lui c'est particulier, c'est trois jumeaux qu'il pilote, enfin trois non oui si c'est ça, trois triplés, voilà, ouais, des triplés, voilà, trois trois triplés qui pilotent de jumeaux, sinon, et du coup ils ont une méthode cumulo-olympique bon, à trois bras, une méthode de combat à trois bras, ça donne okay. Un Jaeger différent, c'est assez badass quand même. Et tu vois c'est ça que j'aime bien, les différences entre les Jaeger, tu sais, c'est pas un peu comme les Pokémon. Tu vois, tu as des trucs différents avec des attaques différentes, des façons de combattre différentes. Mm. Et je trouve ça vachement intéressant. Puis t'as le dernier modèle aussi de Jaeger, parce que aussi ils ont des classes, on va dire. Bah, oui. T'as le modèle 5, je sais plus comment il s'appelle. Mais tu verras que c'est pas les plus puissants, pour le coup. Non, bah non, c'est au pilote, d'accord, en final. On va vite s'en rendre compte, ouais, que c'est le pilote en fait qui fait le Jaeger et pas le Jaeger qui fait le pilote. Donc, c'est pas un peu comme dans ton manga qui... Non, du tout, oui, effectivement, ça n'aura rien à voir. Ouais. Et je vous présenterai justement un manga aussi de gros robots qui affrontent des gros monstres. On aime les robots et les monstres, avec Avengers. Oui, ouais. Bah, je pense, sans spoiler ou quoi que ce soit, Neon Genesis Evangelion qui est sorti en 95. Sorti avant Pacific Rim pour le coup, oui. Je pense qu'ils se sont inspirés quand même de ce type de manga pour en créer un film, et ils ont bien fait. Et ils ont bien fait carrément, okay. ça vaut totalement le coup. Et ouais, je te le conseille de le voir si tu veux, je l'ai en DVD, j'ai les deux. En vrai, ce que j'ai trouvé drôle, le scénariste a eu l'idée de faire ce film, il faisait une balade sur la plage de Santa Monica, et il s'est dit tiens, je vais y regarder l'horizon, tu vois, et il s'est dit tiens, je vais. Sur le Pacifique, du coup ? Il voyait le Pacifique, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, il s'est dit bah, je vais faire ce film-là. Le Pacifique, ça serait bien qu'il y ait une brèche avec des monstres qui sortent et qui nous tuent tous. Voilà, ça serait vachement après cool. La brèche de San Andreas, la brèche du Pacifique. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, c'est un film que je recommande. Ah, okay, bah, bon, totalement, je te suis à 100%. On pourra en reparler la semaine prochaine. Je regarde ce week-end. C'est 2 heures à peu près, je pense. Oui, c'est ça. Puis je te dirais même, enchaîne avec le 2 aussi. Ouais, si je vais sûrement faire ça. Je l'ai pas trouvé le 2, faut que je le trouve ce soir. Là, moi je l'ai trouvé le 2. Que, je l'ai plus que trouvé. Dans le 2, il y avait John Boyega qui interprète Finn dans Star Wars. Ah oui, ouais. Et il joue dans Pense. Je sais pas qui c'est. Dans le 2. Dans le 2. Il est pas dans le premier, j'ai vu. Ah, c'est marrant, je sais pas. Bah, il joue peut-être. Non, je dis rien. Il y a un autre Jaeger qui apparaît dans le 2 qui est assez sympa, qui s'appelle Fury Obsidienne, j'adore son nom. Allez. Ah oui. Oh, tu vois, on connaît tous les noms des autres Jaeger, mais pas celui du héros principal. c'est n'importe quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça nous reviendra peut-être avant la fin de l'émission. Optimus Prime, ouais. Non. Non, Babel Bee, voilà. J'ai fait le tour du film. Oui. Donc j'espère que. Bah, toi, tu l'as déjà vu, Danny, mais que tu l'as écoute, vu sur vu. Oui, j'irai le voir. Parce que je suis fan de la science-fiction. Bah, tu nous donneras ton avis. Bah, franchement, la semaine prochaine. Ouais. Ça vaut le coup. Ok. Bah, écoute, on passe à la suite. Hein. Bah, oui. Ouais. On va écouter Every Bleeding Breath de David et Create. Ouais. Oula, c'est très mal dit ce genre de truc. Create. Every Bleeding Breath de David et Create. Ok. Voilà, enfin, bon, tu ne peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux, j'y arriverai pas. Allons-y. Voilà. Écoutez, vous me direz. Et voilà, et pour une fois, tout marche comme sur des roulettes. On a juste flippé car j'ai vu 3 secondes apparaître. Ouais, j'étais en train de checker mon téléphone. Je fais merde, t'es dit qu'il met son casque rapidement. Je regarde les secondes, 3. J'ai fait ah, bon. C'est ça. On a flippé un peu. Bon, on sera légèrement en retard ce soir. C'est pas grave. On va finir avec peut-être une petite demi-heure de retard. Wow. Une petite. C'est les vacances. Le temps que présente voilà, mon manga et qu'on parle des actus, et puis ça sera la fin. Voilà. Vous en avez peu pour longtemps, vous inquiétez pas. Puis en même temps, vous nous aimez bien. Oui, ouais. En même temps, si vous nous écoutez. Voilà, c'est... on pourrait faire ça toute la nuit si vous voulez. Les mecs qui vendent pas du tout leur truc. Non, pas du tout. Alors, moi, je vais vous parler de, bah, d'un manga qui. Dans le concept qui ressemble à Pacific Rim. Ouais. Ça s'appelle Neon Genesis Evangelion. Ça a été créé par Hideaki Anno en 1995. Il est assez complexe, hein, je vais pas vous le cacher. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pas compris la fin. Voilà. J'ai les 3 derniers épisodes. D'ailleurs, je lance un appel pour les gens qui l'ont vu. Contactez la radio, contactez n'importe qui. Essayez de me retrouver. C'est une série animée. C'est une série animée. D'accord. Il doit y avoir des mangas, je pense. Il n'y a pas de manga. Je sais pas. Il y a combien? J'ai pas vérifié. Tu vas le dire, mais il y a beaucoup d'épisodes. 23, je crois, si ouais, je me trompe pas. Non, 26. D'accord. Il y a 26 épisodes et deux films, dont un qui est une fin alternative, que je n'ai pas compris évidemment non. Ça serait trop facile. Ces deux films, il faut les voir vraiment à la fin des épisodes ou pendant? Oui, il vaut mieux les voir à la fin. Je conseille de les voir à la fin. Ouais. Le deuxième, j'arrive pas à m'en rappeler, c'est dingue. Ah. Mais... Bon, bah, c'est ce qui t'a pas marqué. Non, pour non, voilà, c'est que, aux oubliettes. Mais l'autre, bah, c'est pas qui m'a marqué l'autre, mais c'est que je l'ai toujours pas compris non plus, alors au final... Bon, voilà. Ça donne envie en vrai. Ça veut peut-être dire qu'en fait il a un côté vachement. Bah, je sais pas, compliqué à comprendre. Métaphysique. Ouais, c'est ça, un truc qui m'échappe, mais je conseille quand même de le voir, hein, parce que même si j'ai pas tout compris, au final, ça vaut largement la peine d'être regardé. Ah ouais? Oui. Bah, je vais vous expliquer un peu. Ça raconte l'histoire de l'humanité. Après un grand cataclysme, il y a 2 milliards d'humains qui sont morts. Ça a détruit une grande partie de la planète, hein, enfin, la plupart des pays aussi. Mm-hmm. Et bien sûr, ça se passe au Japon, parce que les mangas, ils aiment bien le Japon. C'est vrai, forcément. On peut même dire, d'ailleurs, dans les mangas, généralement, ils aiment bien le Japon et les Américains, c'est les grands méchants. Souvent. Mais bon, oui. On catégorise pas, hein. On respecte. C'est peut-être à cause de la guerre aussi, hein. Ça a peut-être joué. Ça a joué. Donc notre protagoniste s'appelle Shinji Ikari, donc nom classique japonais. Mmh. Il a 14 ans. Il va être recruté par une organisation qui s'appelle la Nerve, qui est dirigée par son père, qui l'a abandonné évidemment. Donc il sait qu'il a un père, hein, mais bon, son père est toujours fourré au boulot, il l'a jamais vu en fait. Enfin, il revient jamais, ils ont pas de maison en commun. Shinji se débrouille tout seul. Donc, vrai, il a 14 ans, il est dévoué à lui-même. Bah ouais, c'est ça, hein, donc bon. Enfin, ouais, à lui-même, ils sont quand même. Comment dire? Les jeunes sont encerclés parce que. Enfin, encerclés. Y a plus beaucoup d'humains. Enfin, ouais, y a beaucoup moins d'humains donc. Ils vivent entre eux quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. On fait attention aux humains. Mmh. Enfin, attention à ceux qui restent. Et surtout aux jeunes, particulièrement ceux de 14 ans. Mmh. Parce que c'est les seuls à pouvoir piloter des EVA. Les EVA, bah, c'est les gros robots. Tu vois, ouais. C'est pas des Jaeger dans Neo Genesis, c'est des EVA. Pourquoi 14 ans? Bah, parce qu'il faut des esprits jeunes. Pouf. Ouais. Enfin, genre un mec comme nous de 25, 24 ans. Ouais, voilà, nous ça passera pas. Ouais. On n'est pas compatible avec. Le 19, ça passe pas. Faut croire que non. Ah merde, c'est tellement dommage. 5 ans de retard. Ah. Par contre, là on peut les piloter tout seul. Évidemment. Ouais. Enfin, voilà, faut juste être jeune. Faut avoir 14 ans. Mais bon, du coup, t'as 14 ans, tu pilotes des EVA. Dans quel but? D'affronter des monstres qui s'appellent des anges. Alors, ça ressemble plus ou moins aussi à des aliens, hein, on va pas se leurrer. Mmh. Ils ont plusieurs formes, hein. Ils peuvent avoir des formes de gaiju notamment, donc de gros monstres aliens. Excellent. Ils peuvent avoir des formes d'humains, ils peuvent avoir des formes de virus informatiques. Ah, c'est moins drôle ça. Ouais, voilà, ils peuvent avoir plein de formes, donc au final, c'est dur à combattre. Hein. Ouais. T'as qu'un robot, tu peux pas tout faire. Le robot, il est comment par rapport à l'homme? Quelle taille? De taille de... Ah bah les gratte-ciel, c'est les ballons de foot. D'accord. Ouais, il peut prendre un gratte-ciel pour s'en faire un petit couteau quoi, enfin et taper sur un. Ah ouais, normal. Okay. Ouais, tout à fait normal. D'accord, pourquoi pas. C'est gros. Par contre, ils ont une particularité, les EVA. Ils ont un câble d'alimentation. D'accord, il doit être énorme le câble. Pas aussi élaboré que Pacific Rim pour le coup. Pas aussi élaboré, ouais, oui, c'est vrai qu'il est énorme. Mais ce qui est drôle, c'est que s'il débranche, ce qui arrive souvent en combat d'ailleurs dans le manga, enfin dans l'anime. Il a pas d'autonomie. Bah si, mais 5 minutes. Ah ouais. 5 minutes en mode éco. Ah putain, c'est pire qu'un iPhone ce truc. C'est pire qu'une voiture hybride. Ah, c'est japonais. Et 3 minutes en mode pas éco. Ah. Donc voilà. Vaut mieux être en mode éco. Oui, oui, pour mais, ouais, mais en mode éco, faut y aller mollo, faut pas trop forcer. Oh là là. Genre, tu fais un pas, tu décharges de barres de. Bah, les pâtes, ça devrait aller, mais genre, tu fais pas des trucs de ouf avec toi. Enfin, je sais pas. Tu peux cuisiner des pâtes. C'est je dois vous avouer, c'est super galère quand ils combattent les monstres. Ça arrive quasiment tout le temps qu'ils perdent leurs tuyaux, qu'ils coupent. D'accord. Il galère tout le temps à chaque combat. Ouais. Je vais pas vous mentir. Je crois qu'il y a aucun combat où il réussit genre. Ça c'est voulu par les scénaristes. Je pense que c'est voulu. Ouais. Ils ont pas. C'est assez dramatique exprès, entre guillemets. Ils perdent tout le temps. Point barre. Enfin pas ils perdent mais ils galèrent toujours à gagner. C'est plutôt ça ouais. Parce qu'ils perdent pas non plus. Mais... Il va affronter son premier ange. Mmh. Il va gagner tant bien que mal. Surtout que c'était la première fois qu'il montait dans une Eva. On lui a dit de venir, voilà, il l'a embarqué, il a dit tu montes là-haut et tu vas. Il a pas eu de formation. Ouais, c'est ça. Pas de formation, rien, alors tu vas apprendre à marcher. Il y a le monstre qui arrive là-bas, tu vas apprendre à marcher. Ils ont pas un petit séminaire avant ils l'ont pris comme ça, ils ont dit ouais, on avait besoin d'un pilote, allez hop, faut que tu viennes. J'imagine bah. Que c'était le héros principal, non ? C'est le héros principal, Shinji, du coup, bah, il pilote l'Eva 01. Parce que les. Alors là aussi, ils ont des. Pas des classements, mais des noms, voilà. Mmh. Il y a l'Eva 00 qui est piloté par un autre pilote, évidemment. Qui s'appelle Ray. Personnage assez. Comment on peut dire ça ? Explicite, non ? Ah bah pas du tout. Non, pas du tout, pour le coup. Genre très. Pragmatique. Insipide, ouais, voilà. Magnanime. Pas d'émotion, rien. Stoïque ? Ouais, voilà, c'est ouais. Ça, stoïque. Mais elle était blessée, elle a dû se blesser. Lors ouais. D'une attaque précédente d'un autre ange. Ouais, elle cache ses sentiments, ses émotions. Ça doit être ça. Mmh. Mais on va découvrir plein de choses sur elle qui est très intéressante, c'est pour ça que j'en parle. C'est son côté stoïque et tout ça, c'est lié au manga. Enfin, c'est normal qu'elle soit stoïque. Lié à son histoire. Oui. Ouais. Enfin, je dirais même lié au manga. Hein. C'est même pas que lié à son histoire, c'est lié au manga. D'accord. Carrément. Elle a un rôle important dans le manga. Tout comme le héros, évidemment. Mmh. Voilà. Du coup, elle était blessée, du coup, elle pouvait pas y aller. Elle a piloté l'Eva 00. Donc, c'était le. Comment dire ? L'Eva prototype, grosso modo, c'est pas le meilleur, mais bon, ça marche, ça fonctionne, c'est déjà ça. Elle était blessée, donc ils ont fait venir Shinji. Plus tard, il va y avoir une autre fille qui s'appelle Asuka Langley Soryu, pilote allemande, ça sent pas du tout dans le nom. Ouais. Elle est née au Japon, mais elle est partie en Allemagne quand elle était jeune, a piloté l'Eva 02, enfin, pilote l'Eva 02, qui est rouge d'ailleurs, j'aime bien rouge, aucun rapport. Ils vont combattre plus ou moins côte à côte, ils vont avoir de plus en plus de mal, et psychologiquement aussi, surtout. Enfin, comment dire, c'est lourd d'avoir 14 ans et de tuer des monstres. La psychologie, c'est ça. C'est une responsabilité aussi. Comme bah oui, c'est ça. Tu échoues en fait, t'as l'humanité qui s'écroule. Oui, voilà, tu dois protéger l'humanité, c'est notre responsabilité. C'est ouais. Ça, et comment dire. Le poids qu'ils ont sur les épaules vont leur créer plein de problèmes ouais. Psychologiques alors qu'ils en avaient déjà de base. Ils en ont déjà. Il y en a un, c'est l'abandon, l'autre, elle est stoïque, l'autre, elle a vu sa mère se suicider à 4 ans. Paye ta tragédie. Ouais. Paye ta tragédie, exactement. C'est assez sombre les mangas. Celui-là, ouais. il est très versé sur l'introspection. Même en général, je trouve. Et les réflexions des personnages, en fait. Les scénaristes de manga, ils font des choses assez sombres, je trouve. Ouais, ça dépend, hein, si tu regardes un Fairy Tale ou genre de oui, truc. Oui, après, il y a des trucs. C'est des mangas à la portée de tout le monde. Hein, Hunter x Hunter. Ouais, voilà. Genre l'Attaque des Titans. C'est gentil, ça, en ouais. Ouais. L'Attaque des Titans, par exemple, c'est très. L'Attaque des Titans, c'est sombre. C'est très sombre. On en parlera d'ailleurs dans une émission, j'ai prévu d'en parler. J'adore ce manga. Mais. C'est. Enfin, là, ouais, les réflexions des personnages, c'est. C'est quelque chose qui se faisait pas trop à l'époque, de ouais. Base. C'est un manga qui a fait fureur. À cause de son côté psychologie, à cause de son côté... Tu sais qui c'est qui a fait fureur ? Oui. Oh non, Adolphe ? Ouais, merci. Tonton Adolphe ! Point Godwin, merci. Ouais, c'est ça. Ouais, excellent. Ils abordent les thèmes de suicide, de dépression chez les jeunes. À l'époque, il n'y a personne qui avait parlé de ça. Dragon Ball Z, il n'y a pas de suicide. Hein. Ouais. C'est pas des sacrifices, ce genre de trucs. Mais c'est pas pareil, tu vois. C'est pas le même concept. Du coup, c'est assez notable. Et ça marche. Ça marche parce que le manga, il a été plusieurs fois... je cherche sur ma feuille, je ne trouve pas sur ma feuille. Ce n'est pas écrit sur ma feuille. Ah. Mais bon, il a été récompensé. Ah ouais, pour ce genre de concept ? Oui, totalement pour ce genre de concept. Okay. Ça a super bien marché. Ça a donné naissance à plein d'autres mangas. Pas qui ressemblent. C'est pas des copier-coller non plus, ouais. Mais dans le même concept avec des gros robots. Genre on va penser ils ont eu des références grâce à ce film-là. En fait. Possible. Mais ils ont eu l'idée de créer un manga avec des mechas. Dans l'univers manga, des robots, c'est des mechas. Voilà. D'accord. Je sais pas, je pense à Code Geass par exemple. Voilà, c'est aussi un manga assez connu avec ses gros robots. Voilà. Ouais. Je vous ai parlé des films. Il y a deux films, fan alternatifs que j'ai toujours pas compris. J'attends qu'on me l'explique. Un jour ou l'autre, on me l'expliquera. Comment ça se passe Parce que je commence à comprendre qu'il est assez complexe. Quoi. Faut bien suivre. J'ai pas compris la fin. Les trois derniers épisodes, ça explique la fin du manga, enfin de l'anime. Et en fait, le film, c'est une fin alternative. Parce qu'ils se sont dit, ce serait peut-être. Enfin, je sais pas, ils ont voulu créer un film avec une fin alternative. Ouais, c'est plutôt bien, hein, du coup. Ouais, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, faut que le bordel déjà dans la tête des gens qui regardent cette série. C'est un peu ça. La fin de la série, c'est un peu psychologique. Enfin, c'est très psychologique. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien, c'est que des images. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est spécial. Ça marque ton esprit, en fait, en gros. Oui. Ouais. Par contre, grâce au film, j'ai compris pas mal de trucs de l'histoire. Ah ouais? Ça m'a permis d'avoir des éléments en plus, savoir qui est quoi, pourquoi les anges sont là. Ah oui, d'accord, ouais, ça, c'est détaillé quoi en gros. Pourquoi, quand il affronte son. Oui, voilà, c'est ça, c'est détaillé. Pourquoi il affronte l'ange numéro 3? Où sont les deux autres? Ouais, il t'explique en gros ce qui se passe. C'est pourquoi ça. Ils sont pas là les deux autres en gros. C'est ça, ça explique pas mal de choses, ça comble les trous. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, ça a l'air intéressant. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Mais ça me fait un peu peur l'histoire. Que tu comprennes pas grand chose, toi, déjà. Je suis pas une lumière non plus. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que je suis passionné quand même de ce genre de trucs. T'as quand même un esprit de logique assez. C'est implacable. Cartésien dans la main. Je veux dire, c'est. Ça arrive. Ouais. Peut-être qu'il faut que je le re-regarde encore plusieurs fois, mais bon, voilà. Il y a des trucs que je peux pas comprendre, ça arrive comme ça. Mais si tu veux, il y a des jeux aussi à la rigueur qui sont sortis. Ah ouais de sur, Ouais. Il y en a, alors sur Nintendo 64, donc là, ça va être du rétro gaming un peu plus. Pour le coup, ouais. Puis t'en as un autre en 2003 qui est sorti. C'est Bandai Namco qui l'a fait. Ah ouais? Ouais, donc il doit être sur PS. Attends, 2003. C'est qui, enfin, pour PS1 ou... aux auditeurs, même à Gaïan qui est pas trop calé manga, c'est quoi le Baidu Ganka? Ah, Bandai Namco. Ouais. Ah, c'est un grand. Je pense que tout le monde connaît Bandai. C'est. Comment dire, c'est un éditeur. Non, pas un éditeur. Oh, c'est un créateur de jeux vidéo, généralement, par exemple Dragon Ball Z. Oui, Dragon Ball Z, ils sont tous développés par Bandai Namco. Voilà. Je préfère le. T'as plein de. Oui, bah oui, non, mais bonne idée. Hein. Ouais. Bandai Namco, c'est un géant des mangas. Enfin, c'est une référence dans le manga. Des jeux, pardon. C'est une boîte de prod. Ouais, une boîte de prod de jeux de combat, généralement. Toi, Dragon Ball Z, Naruto, ils ont tous passé par Bandai Namco, je pense. Ils ont fait les. Comment ça s'appelle? Les jeux de combat là, c'est les. Street Fighter et tout ça. Ouais, Street Fighter, ouais. Alpha Ouais, c'était pas eux Non, c'était One Punch Man, ça, je crois. Oui, non. C'était la semaine dernière. Je suis perdu. Ah non, c'était pas ça. Mais non, Alpha Life, c'est un jeu. Oui, ouais, c'est un jeu. Je suis con. Pardon. Non, mais c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, ça, je crois. Ouais. J'avais présenté quoi comme jeu? La semaine dernière. Ouais, voilà, c'est ça, Subnautica. Bah oui, c'était eux qui avaient fait Alpha Life aussi. D'accord. Ils étaient en rapport. Oui, non, mais. Oh, mais ça fait pas mal de faire un petit rope. Voilà. Mmh. Tu veux un scratch? Ok, on te met un petit scratch. Voilà, c'est oublié. Bon, voilà, si tu veux y jouer à la rigueur, au lieu de écoute, le manga. Mais je te conseille quand même de regarder le manga. Il est assez court au final. Il est disponible sur quelle plateforme ce manga? Et ben, il est sur Netflix. Okay. Ah ouais? Ouais, il est sur Netflix. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai regardé. Ouais. Parce que au final, il n'y avait pas suffisamment de raisons pour que j'aille le voir sans savoir ce que c'est. On t'a conseillé ou j'ai du mal à choisir en fait sur Netflix. Je regarde des trucs, je dis ah non, ça va pas me plaire. Non, mais tu passes 80% du temps à choisir et 20% à regarder. C'est exactement ça. Ouais, non, mais c'est même 90%. C'est un peu. D'ailleurs, j'espère qu'ils nous entendent pas, mais Netflix, c'est un peu cassé sur les suggestions. Oui. Genre, je cherchais des trucs de films d'horreur, parce que j'aime bien regarder les films un peu plus courants. Ça présente Scary Movie. Non, il m'envoie sur un truc de dessin animé, genre suggestion dessin animé. C'est peut-être des dessins animés d'horreur. Je cherche des films d'horreur, pas des dessins animés, au bout d'un moment. Ça arrive. Voilà. Non, mais j'ai fait un karaoké lors d'une soirée, et il y a deux filles. C'est des japonais? Hein? Chez des japonais? Non, parce même pas le karaoké. Même pas du tout. C'est... Bah, tu connais Inès? Oui. Elle viendra sans doute dans PK Avenger un jour ou l'autre. Mm-hmm. On arrivera à la choper. À la fin du karaoké. Non, oui, ça. Oh, pardon. Non, mais... Vas-y, hop là. On oublie ça tout de suite. Inès, elle faisait un karaoké avec une fille qui s'appelle Solène, qui est une amie. Oui, je vois. Et en fait, elles se sont mis le générique de Neo Genesis Evangelion. Mm-hmm. Enfin, l'opening. Et c'était resté inconsciemment en tête. Ouais, donc je l'ai chanté avec eux parce que moi j'aime bien les mangas et tout. Et au final, Le producteur m'a fait au revoir. Tu t'en vas ? C'est ça ? Oh, on dit tous au revoir à Théo. Au revoir, au revoir Théo. À la semaine prochaine. Non, à demain pour moi. Mais on faisait un karaoké, il chantait ce générique et il chantait super bien et tout. Il est compliqué, enfin les paroles en japonais. Oh, faut y aller. Hein. Moi j'ai chanté comme une merde, ça, on s'en fout. Moi je fais du yaourt. C'est bien le yaourt en vrai. Ouais. Et. J'aurais demandé, ah ouais, c'est cool, ça vient d'un manga, Neon Genesis Evangelion, ah ouais, c'est cool. Vous avez regardé du coup, et c'est bien comme manga, parce qu'il est disponible sur Netflix. Ah non, j'ai pas regardé. Quoi ? Bah, attends, j'ai demandé à Solène, alors, demande-lui, c'est plus la connecteur. Les deux connaissaient juste l'opening, excellent. Mais pas le manga. C'est marrant. What the fuck ? Enfin, c'est... Ah, je sais pas... Juste la chanson, ouais. L'opening qui leur plaît, voilà. Moi, je trouve ça bizarre, après, bon... T'entends un bel opening, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Mmh. Parce qu'un opening, ça a été créé pour un manga. Enfin, c'est un point de vue, hein, c'est pas. Mais du coup, bah, ils ont pas pu. Parce que j'aurais demandé aussi pour m'expliquer la fin. Mais bon, ils avaient pas vu. Ah bah, c'est moche. Bah oui. Non. Mais bon. C'est. Écoute, voilà. J'irai te à cause d'un karaoké, j'ai regardé Neon Genesis et Evangelion. C'est beau. C'est... Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ce genre de truc. Enfin, ce genre d'anecdote. C'est marrant. Voilà. Bah écoute, moi j'irai regarder avec plaisir. Déjà, je vais finir One Punch Man et puis ma série actuelle. Son of Anarchy. Ouais, j'en suis à la saison 5. Là. Saison 5, donc ouais. T'avais 92 épisodes, c'est ça ? C'est ça. Je me rappelle ? Ouais. Bon, ça doit être, je sais pas, 50, 60 ? De quoi de... Saison 5 ? Il y a 8 saisons. Je me rappelle. Non, il y en a 7. 7 ? Ah, je me souviens. Je suis bientôt à la fin. Ok, ok. Scratch. T'as pas retenu. Ouais, bah. J'ai retenu 92, c'est déjà bien. J'ai retenu aussi qu'il y avait des épisodes de 40 à 80 minutes. Voilà. Ouais, c'est comme, en plus, c'est sur la. En fait, j'ai remarqué, c'est sur la fin des, vers la fin de la saison que ça commence à être plus long. Ah, ils veulent découper leur saison bien comme il faut, du coup ils blindent. J'avoue que c'est un peu chiant. T'as hâte qu'il se passe un truc. Hein, oui, parce que surtout, il se passe des trucs dans l'autre saison. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, non, c'est pour le coup, non, mais c'est peut-être un truc genre pour aider pour laisser les gens, enfin les inciter à regarder la suite. Peut-être pour ça qu'ils ont fait, enfin ils ont fait une variance sur les épisodes. C'est possible. J'en déduis que c'est fait pour ça. Mais... Oh. Ou sinon ils sont peut-être toc-toc. J'en sais rien. Comme la musique. Mais transition. Waouh. Magnifique. C'est la fin. Non, c'est pas la fin. En théorie, il nous reste encore une petite partie pour parler d'actu. Voilà. Est-ce que tu veux pas qu'on parle d'actu maintenant? Au pire. Non. Je sais pas, vous êtes chaud ou vous voulez passer une minute? Ah non, je suis pas chaud là. Mais Ouais, le son la musique, voyons. Okay, bah, tu voulais couper Toc Toc Toc? Si on écoute Toc Toc Toc alors. On écoute Toc Toc Toc de Jocelyne? Oh, non, Jocelyn Maillard. J'ai envie de Jocelyn Maillard. On va dire que c'est un homme. Beg qui envoie du lourd. Ouais, pour la fin. Mais malheureusement, je crois que cette musique Toc Toc Toc était encore sous le signe du reggae. Ouais, pour le plus grand plaisir de Galen. Yes. Il est pas spécialement fan du reggae. Moi non plus, hein, je te le cache pas, je suis pas fan de reggae, ni de metal, ni de rock. Oh, je suis pas fan de grand chose. T'aimes pas le rock ? Non, je suis pas fan de rock. C'est la vie, le rock. Moi, j'aime bien plus la pop, l'électro. Le rock and roll. Ouais, je sais pas. Rock and roll. Il y en a certaines, ça passe. Mmh. Le rock irlandais, par exemple. Ah ouais. Ça envoie du lourd. Je te rejoins. Ah, voilà. J'ai bon goût, en fait. Ouais. Voilà. On peut dire ça. Ouais. Bon, on va vous parler d'actu ce soir. Ouais. Et attention, on a du lourd. Du très lourd. Du très très lourd, comme dirait très, Michel très et Michel. Lourd. Exactement. Personnellement. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. Dites-le nous sur le Twitch, à la rigueur. Ouais. La nouvelle console qui va sortir, attention, ce n'est pas la Xbox Scarlett. Attention, ce n'est pas la PS5. Ce n'est pas une nouvelle console de Nintendo. C'est une console nord-coréenne. Qui sera disponible que là-bas, d'ailleurs, parce qu'on n'a ni image, ni jeu. On n'a rien par chez nous. Ah, oui, ça promet. Ça s'appelle la Moran Bong. Non. Je pense qu'elle sera disponible que chez eux, entre guillemets, parce que eux ils sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Ouais. On connaît tous un peu les penchants de la Corée du Nord, de toute façon. petit salut à Kim Jong-un, on t'aime bien. Ouais, ne nous tue pas. Ils ont envoyé des hackers pour. On aurait pu avoir une star après. Oh mince, quel dommage. Non, tu lui as dit bonjour, c'est fini là. Oui, tu sais que. Oh, que... Moi, j'étais content de vous connaître, c'était super ouais, cette émission. Moi aussi, merci. Si vous ne revoyez pas jeudi prochain, c'est que la mort de trois jeunes. Les Coréens du Nord, c'est sans à la provocation. Non, justement, on va parler de leurs actus. Ils vont sortir une console qui s'appelle la Moran Bong. Alors le nom est assez spécial déjà. Hein. Et je vais pas vous mentir, c'est un peu copié sur certaines autres consoles, mais dépassé par contre. Ouais. C'est une console pour les Coréens, avec des jeux, on va dire, très... Pour les Coréens. Voilà. Donc, pas de sexe, pas de drogue, de... enfin, tout plein de trucs totalement interdits. Il va y avoir des jeux éducatifs. En fait, c'est Animal Crossing, leur jeu, c'est ça. Je crois. Ça va être ça. Hein. Et le pire, c'est que leur console, elle est pourrie en termes de trucs. C'est genre une Wii... Une Wii craquée chinoise, un truc du genre, qu'ils ont repris et voilà. Après ils ont... la Wii U, la Wii coréenne. C'est ça, ils ont deux manettes comme une Wii et ils ont une caméra comme la Kinect. Kinect, ouais. Ouais, c'est exactement le même truc. Donc c'est un peu copier-coller, hein. Mais bon, j'ai hâte d'en savoir plus. Dès que j'ai plus d'informations, je communiquerai parce que ce truc-là, c'est un. Oh, c'est génial quand même. La communication arrive à passer. Si oui, voilà, faut que les gens. Comment dire. Les journalistes aillent là-bas et reviennent. C'est ça le plus. Regarde le film The Interview, tu verras comment c'est compliqué de les. Exactement, donc dans 10 ans ils pourront peut-être revenir, à la rigueur, et avec des infos, je sais pas. ça dépend. Dans 10 ans on a le temps. Oui, bah oui, voilà, si ça se trouve, on saura jamais ce que vaut la Morang Tong. La Morang Bong, ouais, pardon. Je pense qu'on le saura jamais. Oui, bah bon. Je trouvais ça intéressant quand même d'en parler. C'est une console assez dépassée. Hein. Pour nous, c'est genre... on retourne aux sources. Hein. Ça doit être assez pourri. Bon. Je trouve ça bien dans la mesure où, en gros, les Coréens pourront aussi s'amuser d'une manière ou d'une autre. Mmh. Ils seront plus... voilà, ils peuvent se divertir un peu, un minimum. C'est dur. On soutient la Corée du Nord. Du régime, je crois. Non. Pas... Non, tu soutiens pas ? Non. Non, je soutiens pas le régime. Ah oui, non, bah non. Je soutiens les pauvres, le peuple. Ouais, je sais pas non plus. Il y a une histoire avec Blizzard. Une histoire bizarre. Non, avec Blizzard. Blizzard, je pourrais pas vous l'expliquer en détail, je me rappelle plus très bien. Mais Blizzard Entraînement, c'est un développeur de jeux vidéo. Et ils ont un peu clashé les joueurs coréens, nord-coréens. Ils ont eu une embrouille. Et du coup, Blizzard est très mal vu depuis ce jour par toute la communauté des gamers. Ouais. Parce que bon, les Coréens ils prennent un peu cher en ce moment avec, bah, avec le régime. Voilà. Bon, voilà, fin de la Corée, hein, on n'en parle plus. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Parlons d'autre chose, tu voulais nous parler du Joker, je crois. Oui, je disais que le Joker est en train de devenir un symbole dans les manifestations. Voilà, tout le monde. Ah oui. Ouais. Genre, ils font le maquillage et tout. Bah, ils reprennent exactement le même maquillage et ils vont manifester comme ça. Mais ils reprennent. Parce que c'est un symbole fort dans le film. Hein. Oui, faut bah oui. Savoir, mais comment dire, ils vont se maquiller, mais dans quel but? Pour faire passer leur message déjà personnel, genre non à l'avortement ou pour autre chose? Je ne sais pas pour quel message en particulier. Je sais juste que c'est une image forte qui est reprise lors des manifs. Ils sont peut-être en tente parce que au moins, alors, si on parle de la situation aux États-Unis du Joker, quand il est sorti le film, il y a eu pas mal d'interdits, interdiction des maquillages dans les cinémas, interdiction de faire plein de choses dues à ce film. C'était très sécur. C'est ça. Ouais. Bah, peut-être que le fait de manifester avec ça, en fait, ça a créé une espèce d'angoisse chez les politiciens, qui leur dit ah ouais, faut peut-être qu'on les prenne au sérieux, tu vois. C'est, ouais. Peut-être qu'ils jouent là-dessus. Hein. Mmh. Et ils ont c'est peur, plutôt bien, enfin, si c'est dans un but noble, la manifestation. Non, mais en tout cas, ça se passe beaucoup aux États-Unis. Comme par hasard. Et les militaires et la police se sont mobilisés pour encadrer les projections du Joker. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais tu sais pas en lors fait. Lors de sa sortie. Tu sais pas en fait s'il y a une manifestation ou qu'il y a beaucoup de gens déguisés en Joker. Tu sais pas s'il y a vraiment un malade qui s'est déguisé en Joker et qui va faire sauter des trucs. Bah voilà. Ou je sais pas, on va parler des terroristes. Allez, on va parler Corée du Nord, attends, terroriste. Alien. Non, je déconne. Mais grosso modo, ouais, ça peut être dangereux au final. Hein. Tu peux utiliser cette image comme on te semble. Après, la plupart des gens l'utilisent à bon escient, j'imagine. J'avais vu sur Snap, il y a des gens, il y a un filtre Joker, oui, et ils s'amusent à imiter Joker. Le rire. Voilà, c'est bénin, enfin c'est normal, quoi. Enfin, c'est un délire. C'est tout, c'est comme le Ice Bucket Challenge. Ouais, c'est un délire, hein, parce que. Oui. Ouais, encore, c'est pas le même délire. Ça se passe. Oui, je suis vieux. Hein. Voilà. Ouais. T'avais une actu à... Ouais, j'étais en train de checker les actus là. Ok, en direct. Voilà, en direct. Ouais. Écoutez, j'ai une date de sortie pour la PlayStation 5 qui sortira en Noël 2020. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. J'ai pas, c'est pas précisé. La PS5, il précise jamais. Noël 2020. Je te dirais même qu'elle va sortir sans doute. Il y a pas le design qui est sorti. Oui, voilà, encore pour l'instant. Y a... Moi j'avais une photo. Enfin, j'ai vu qu'il y a une photo, pas... celle-ci, mais bon, enfin, voilà. C'est pas ouf quoi, mais. Voilà, à sortir. Et je parie que la Xbox 5. La Xbox Scarlett sortira plus ou moins dans le même... La Xbox Scarlett. Oui, bah c'est la suite de la Xbox One, hein, évidemment. Ah ouais, j'en ai un peu entendu parler, tu vois. Ah, les fans de Xbox et... Ah ouais, mais... Ah bah là... Ouais, je suis désolé. Voilà, hein. En début d'émission, on nous a dit qu'il préférait Xbox. Oui, non, mais depuis que je suis passé PC, si tu oui, veux, forcément, mais... Forcément. Mais quand même. Ouais. Bon. Mais bon, je pense qu'elle va sortir dans les mêmes eaux pour se faire concurrence. Ça serait, je pense aussi, ouais. Et sans doute un peu avant Noël, au pire, en plus. S'ils peuvent. Une version pas finie, mais avant Noël, au moins. Il va y avoir plein de bugs et tout, il y a tout le monde qui va leur envoyer chez Sony, tu sais. On verra bien l'année prochaine. Mmh. Ouais, on verra. Pas cette année. On verra. Vous avez prévu quoi, vous, pour Noël? Pour Noël? Rien du tout. Ah, je sais pas, tu veux dire en termes de cadeaux ou... Oui, en termes de cadeaux, ouais. Je pense qu'on aura bien la Switch, là. La Switch? Ouais. Ah. On joue à Zelda. Zelda? Ah. Et Mario Kart. Ah, le nouveau Pokémon qui va sortir dans 15 jours, à peu près. Ouais, ouais, Pokémon, je suis pas trop fan. Plus Mario, les Mario, en tout cas. Je me suis acheté une Switch, enfin, on m'a offert une Switch à mon anniversaire en mai, justement parce que je veux jouer à Pokémon. Ah, ouais. Bouclier après, épée c'est bien, qui Pokémon, sort, j'adore. Ouais, moi je kiffe. Mais ça, chacun ses goûts, comme oui. On dit. Toi, Johan, Pour une idée de cadeau, j'ai prévu d'améliorer encore mon setup gaming. En français voilà. En français, c'est le. comment dirais-je. Le matériel du parfait petit chimiste. Voilà, non, c'est pas ça. Le matériel pour être confortablement bien, pour jouer. Le matériel de gamer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Je vais m'acheter un nouveau siège, je sais pas si vous connaissez la DX Racer, je sais pas si ça vous parle. C'est un siège baquet, en fait, si tu veux. Ah, c'est un siège. Ouais, ah, tu vas acheter un super fauteuil, quoi. Ouais. Je vais m'acheter un siège que j'ai envie depuis maintenant 3 ans, mais comme il est super cher, pas forcément les moyens de l'acheter. Donc voilà, je vais attendre Noël. Enfin, cher, il est dans les 200€, quoi. Bah c'est vrai que pour un fauteuil ça fait cher. Mais c'est cher, mais après le rapport qualité-prix est. Oh oui, bah oui, j'imagine. Voilà. C'est pour ça que je me suis pas autorisé à l'acheter avant. Et toi, Antoine? Toujours rien. Ouais, là, une nouvelle moto. On a vraiment perdu, Antoine. Peut-être qu'il va s'acheter une nouvelle moto, en fait. C'est... Non. Je pense pas. Une voiture, ça serait pas mal pour Antoine. Ouais. Ouais. On verra bien la semaine prochaine, il nous le dira lui-même. C'est ça. D'ailleurs, j'en profite, la semaine prochaine, ça sera une spéciale Halloween. Ah oui, yes. Halloween horreur. Halloween. Voilà. C'est ça. Donc. J'ai hâte. Oui, totalement. Ah ouais. Ça sera du coup une émission un peu spéciale. On sera pas vraiment de la même manière. Il y aura peut-être un peu moins de jeux. On va peut-être plus s'orienter vers le domaine cinématographique parce qu'en horreur. Film, série. Ouais. Voilà, il y a beaucoup à dire. On avait conseillé plein à Mathilde. Voilà. Mathilde ou Marguerite, ça dépend. Marguerite. Ça dépend de quel type. D'ailleurs, dites-le nous, vous préférez Mathilde ou Marguerite? Ça peut être intéressant. Ça. Je veux savoir. Moi, je préfère la Marguerite. C'est pour la même personne, on précise. Ouais, en plus. C'est juste le surnom. Totalement, j'aime pas l'appeler Mathilde, maintenant j'aime bien l'appeler Marguerite. C'est vrai que c'est mignon. Oui. En plus, elle aime bien. Tant qu'elle se prend pas pour une vache. Ou pour une Marguerite. Bon, ça va un peu encore, ça passe. Et bon. Oui, elle sera là, mais jeudi prochain. Yes, ok. Donc on sera à 5 si tout se passe bien. On sera au peut-être complet, qu'on aura Inès aussi. Ah, peut-être. Ça serait bien, effectivement. Ouais. On serait une grosse équipe pour préparer cette spéciale. On aura un. Oh, spoiler. Je voulais faire un truc, mais... Il a tenté. Vas-y. Je m'y attendais pas, tu vois, attends. Non. C'est pas ouf, en fait. J'aime bien ce... Ouais. Je pensais que c'était un wow, tu sais, de full. Faut le faire comme ça. Alerte spoiler. Nous allons avoir une grosse équipe jeudi prochain. Ouais. Ça passe comme ça. Et ouais, donc Inès, Marguerite... On va faire un top 10 de films et de séries, je crois. Ouais, top 5 de séries, top 5 de films. D'horreur que films on va regarder ou... Je vous en dis pas spécialement plus. Bah, moi j'ai un manga à vous parler qui est dans le thème horreur. Alors horreur, je sais pas si c'est horreur purement parlé. Drama non plus. Ouais voilà, plus drame, ouais. Psychologie. Blue Perfect. Blue Perfect. Non. Qu'est-ce que c'est un manga. Ah non, je connais pas. C'est un film animé. D'accord. Ah, ça va être un animé. La plupart des mangas que je présente, c'est des animés. Okay. J'aime bien utiliser le mot manga, mais c'est souvent pour dire animé. Parce que moi, je crois qu'en manga, on va c'est, se faire taper. Ouais. Ouais. Je sais, je vais me faire taper à cause de ça. Bon, Thomas, l'adresse de Teddy, allez-y. L'animé que je vais vous parler, c'est Parasite. Ah, bah, je l'ai mis dans ma liste, il est en attente. C'est pas le film de Bong Joon. C'est pas le film. C'est bien l'animé manga. Okay. Il est disponible sur Netflix d'ailleurs, si tu veux. Il est assez court lui aussi. Mm-hmm. Je conseille à tout le monde. Il fait partie de mon top 5 des mangas que je kiffe. D'accord. Qu'est-ce que c'est que j'ai C'était le manche du. J'ai cru que c'était une cymbale. Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Ok. Et je présenterai peut-être pas de jeu. Je me tâte encore. Ouais, moi en tout cas, je vais en présenter un qui est sorti depuis un moment, qui a fait carton quand il est sorti. Voilà. On regarde pour, la prochaine. Voilà. On a déjà dit pas mal. La suite, vous le verrez en direct, je pense. Il y aura les images à ce moment-là. Normalement, il y aura les images. On sera déguisé. Il y a possibilité qu'on soit déguisé. Il y en a qui seront sans doute déguisés. Je viendrai peut-être déguisé. Bah voilà. Peut-être même maquillée si Inès est motivée. Ouais. Elle est souvent maquilleuse au sein du SVA. Et c'est peut-être possible qu'elle nous maquille. Excellent. Je sais pas comment je vais venir. Pour ma part, je présenterai le film La famille Adams. Voilà. C'est pas une série, ça ? Si, c'était une série. Mais il y a deux films. Je connais pas. Je connais pas des masses la série. J'ai vu des extraits comme ça. Moi non plus. Hein, je préfère les films. D'accord. Ouais. T'as La famille Adams et ensuite t'as Les valeurs de La famille Adams. Ah. Ils ont changé le. Juste pour dire. Oui, normal. Voilà, moi je présenterai le premier. C'est cool. Je pense que vous avez une bonne raison plutôt pour écouter Peck Avenger la semaine prochaine. Donc de 21h à 23h, ça débordera sans doute, vu que ce sera une spéciale Halloween. Ça débordera sans doute, c'est le nouveau titre de ta sextape. Si tu savais. On pouvait dire titre là pour ce coup. Ouais. Mais... Moi j'aime bien dire c'est le nouveau titre de ta sextape. Effectivement. Ouais, c'est... Il y aura des trucs qui font peur, de l'horreur, des rires sans doute, parce que je vois pas une émission Peck Avenger sans rire, de toute façon, ou sans blague de merde. Sinon, on parlerait un peu comme ça. C'est ça, vous serez. Voilà. Bienvenue sur RTL, nous allons vous présenter la différence entre les plantes vertes et les plantes moins vertes. Je vais vous parler des hippocampes. Oh. De la migration des hippocampes dans la mer du Pacifique. Oh mon dieu. La mer du Pacifique, l'océan du Pacifique. Là, on vous a donné un exemple de ce que vous n'aurez pas. Yes. On s'en fout. Exactement. On s'en tartine les aisselles. Oh, magnifique. Voilà. Sur cette expression, gardez-la. On se tartine les aisselles. Ouais, moi j'adore. Donc, jeudi prochain, de 21h à 23h. Je vais faire un jingle pour Gaëlan de On se tartine les aisselles, s'il te plaît. Mieux, on le met. Veux comme bouton de la palette. Tartine les aisselles. Si tu veux, je m'enregistre et on la mettra sur la boîte. Attends, on va faire ça. Baisse le bed. Voilà. Donc là, on va te laisser le dire. On se tartine les aisselles. On s'en tartine les aisselles. Attends, recommence, vas-y. On s'en tartine les aisselles. Voilà, vas-y, remets-nous à mettre. Voilà, comme ça, notre cher producteur, s'il veut faire un petit montage... Y a pas de soucis. Voilà, sur le pad, comme ça, on aura... Je te donne tous les droits. Nickel, j'aime avoir les droits. On en a en plus le lundi avec la voix d'une des filles, Amélie, dans d'Actu Solite. Ouais. Y a un bouton qui dit... en fait, elle commence une phrase, on a appuyé sur un bouton qui dit « on s'en bat les couilles ». Mais on a changé le bouton « on s'en bat les couilles » par sa phrase et « on s'en bat les couilles ». Parce qu'en gros, elle commence un truc et on s'en fout. C'est drôle, histoire de bien la casser. Ouais. Exactement, on aime casser les gens. On adore ça. Oui. On adore casser les gens sur un destin. Donc retrouvez-nous jeudi prochain, de 21h à 23h.